Juste une petite. Un petit rappel déjà, parce qu'il y a toujours des caisses de bon de chou pour les amateurs de vin, puis des caisses de cuvée encore disponibles. Il y a aussi, pour ceux qui ne seraient pas végétariens, bien entendu, notre ami René Riesel, qui élève des moutons sur le Causse-Méjean et qui passe faire une tournée régulièrement pour de livraisons. Là, ça va être au mois d'octobre. Et c'est un mouton qui est excellent. Alors, c'est coupé, prêt à mettre au congélateur, etc. Et donc, ceux qui sont intéressés peuvent... Serait-ce beaucoup exigé de demander une tonalité plus forte? Je parlais du mouton de Riesel. Et donc, ceux qui seraient intéressés pour commander, qui prennent contact avec moi, j'attends sa réponse pour les tarifs. Je ne pense pas que c'est changé. C'est pas excessif, hein, c'est même légèrement plus cher peut-être que chez le boucher, mais c'est excellent. Voilà, donc notre ami Joseph. José, alors je ne sais pas, tu préfères Joseph, bon, aujourd'hui, ça dépend. Tu nous expliqueras l'origine de tous tes prénoms. est venu il y a un an et demi, deux ans pour. Non, ne te bougeons pas, d'ici là, je vais quand même entendre. Je vais crier. Ouais, parler fort. Il est habitué, il est instituteur. Hein. Donc, Je vais arrêter deux secondes. Ouais. Le voisin qui demande si parmi les copains et copines ici, il y aurait des gros bras pour les aider à monter une télé. Ils sont au quatrième étage. Qui est-ce qui se sert de faire une. Voilà, deux gros bras. Une télé. On reprend. On peut quand même leur rendre service. Parce que quand même, ils nous entendent, ça doit les embêter de faire ça. Au quatrième, non. Celui dessous, oui. Ça, c'est les chaises, plutôt. Pourtant, le son ne descend pas, ils montent. Oui, non, mais les chaises qui sont traînées par terre, c'est ça qui fait un bruit infernal. Donc, Joseph est venu ici il y a deux ans, à peu près, faire des recherches sur Bouget. Oui. On a passé un jour, à chercher à trouver des choses. Gilbert avait préparé consciencieusement plein de documents au préalable, ce qui fait que je pensais passer deux jours et un jour en suffit. Voilà, donc ça a économisé une nuit d'hôtel. J'aurais dormi là. Et donc on est resté en contact, il est devenu adhérent du CIRA, etc. Et là le bouquin est sorti il y a trois mois à peu près. Voilà, donc il va nous en parler pour vous inciter à le lire. Non, c'est pas ça l'objectif du tout. Non. Je pense que vous lisiez. Laissons lui la parole. Non, le bouquin, vous l'achetiez pas, c'est pas mon problème du tout. Ce qui est intéressant, c'est de parler du parcours de ce bonhomme-là, quoi, de Pouget. Qui laisse plein d'interrogations, comme j'ai vu dans la lettre que tu as fait, et puis dans des critiques qui ont été faites sur le bouquin. Et voilà, j'ai répondu à la sollicitation de Gilbert, mais je ne suis pas orateur, conférencier, historien, écrivain, rien de tout ça. Je suis un esthète, je suis né en Espagne, et je suis venu avec mes parents, qui étaient des immigrés économiques de Galice, jusqu'en France. C'est pour ça qu'il y a mon nom galicien, c'était un cadeau fait à mes parents. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, comme on dit là-bas. Et voilà, et puis j'avais envie de... Je pestais en tant qu'enseignant de la façon dont on racontait à l'école, mais surtout au collège et au lycée, je voyais pas mal de profs qui faisaient faire des recherches sur les grands hommes avéronnais, par exemple, hein, les hommes illustres avéronnais, et puis on parlait jamais de Pouget. Voilà, qui, quoi qu'on puisse en penser, a joué, il me semble, un rôle important dans l'histoire du mouvement anarchiste, anarcho-syndicaliste, syndicaliste, ouvrier, social français. Et voilà. Et donc, le premier but, quand j'avais envie de faire ces recherches, c'était de faire en sorte qu'on parle de Pouget en Aveyron. je ne savais pas comment l'éditer. J'ai demandé à Gilbert qui m'a donné plusieurs pistes et les premiers à répondre, ça a été eux. Mais je pense que ça aurait pu très bien aussi finir dans un truc régionaliste ou j'en sais rien. Enfin, ça aurait pu plaire à... Pardon, je ne parle pas assez fort. Ça aurait pu plaire à des Aveyronnais. En tout cas, je suis très content parce que j'ai fait pas mal de petites causeries comme ça en Aveyron. Et plein de gens sont tombés sur le cul de voir que Pouget, d'abord, il existait. Il y avait eu avant les syndicalistes de la CGT qu'on assimile à des communistes, il y avait eu des anarcho-syndicalistes, que ça avait pu exister. On a même fait des conférences devant des militants de la CGT qui découvraient cet aspect-là du syndicalisme. Et puis après, même dans son village natal, où beaucoup de gens ne savaient pas qui était ce Pouget, on se rappelait, les plus anciens se rappelaient qu'il y avait un bonhomme qui venait de temps en temps le soir à la ferme là-haut, et dont on ne devait pas parler. Parce que les flics le recherchaient, mais on ne savait pas trop ce qu'il faisait, ni pourquoi il était rechargé, etc. Voilà. Donc j'ai pu retrouver tout ça, quoi. Voilà, donc je vous propose, je ne sais pas, quelque chose de très factuel sur Pouget, c'est-à-dire un petit peu sa vie. Hein, c'est les recherches que j'ai pu faire. J'ai trouvé des éléments, notamment aux archives à Rodez. Mais il doit y avoir des éléments sur Pouget, et surtout les anarcho-syndicalistes du début du siècle, et dans toutes les archives départementales. Puisque en Aveyron, il y a un dossier comme ça sur les anarchistes, et il y en a à peu près un bon dixième que sur Pouget. Rapport de police, rapport de préfet, rapport de gendarmerie, etc. Pouget était suivi à la trace. Je vous ai fait des photocopies. Vous avez ici donc des télégrammes disant Pouget est passé par ici. Ça fait penser un peu à la chanson du Furet, parce qu'il est passé par ici, il est passé par là, mais jamais on n'a mis la main dessus. Voilà, donc ils ont interrogé partout, on l'a trouvé à la station de Salles-la-Source, avec un billet de troisième classe, mais quand on est arrivé, il était parti, etc., etc. Tu veux faire tourner, il y a plein de trucs rigolos. Voilà, donc Émile Pouget, lui, je vais commencer, il est né sous le Second Empire, c'était Napoléon III qui était au pouvoir à cette époque-là. Il est né en 1860 dans un tout petit village aveyronnais, et d'un milieu, on va dire, de notable, pas tout à fait bourgeois, mais de notable, puisque son père était notaire, et que son grand-père était notaire aussi. C'est une notabilité. Voilà, hein. Voilà, un gros notable, hein. Voilà. Mais son père, il le perd très très vite quand il a 6 ans, et sa mère se remarie avec un gars qui s'appelle Vergely. Et ça, c'est pas trop connu, et donc j'ai pas mal accès là-dessus sur le bouquin. Ça peut expliquer le parcours de Pouget plus tard, parce que Vergely était un républicain ardent, hein, et il avait comme envie de toujours écrire un bouquin, de faire un journal. Donc il a mis toute son énergie, à cette époque-là, pour lutter pour la République, et puis faire un journal. Il est allé sur Rodez, et en 70, c'est la proclamation de la République, et le beau-père, on va dire, de Pouget, sort son bouquin, son journal qui s'appelle L'Aveyron républicain, où il donne une grande place à la Commune de Paris. Ouais, il donne une grande place à la Commune de Paris, et puis surtout, va se dérouler en 1871, à l'automne 1871, le procès des communards de Narbonne. À Rodez. Et alors ce journal, je ne sais pas comment il faisait, quels étaient les moyens techniques à l'époque, mais le lendemain du procès, il y avait à l'intérieur du journal le compte-rendu. Enfin, pas le compte-rendu, c'était écrit texto, ce qui s'était passé lors du procès. Ce qui fait que le préfet a commencé par interdire le journal, qui est reparu quelques temps après, etc. Mais voilà, Pouget vivait dans cette ambiance-là. Hein? Et Pouget, je pense qu'il a dû participer aussi au procès du responsable, enfin donc des responsables, en tout cas un des rares qui a assumé la commune de Narbonne, c'est Émile Dijon, hein, qui après il a retrouvé sur Paris, hein, qui est devenu anarchiste. Et il a rencontré et il a entendu notamment Émile Dijon certainement déclarer ceci. Alors j'ai retrouvé ça aux archives de Rodez. Voici ce qu'avait dit Émile Dijon. Au tribunal de Rodez, instruction gratuite et obligatoire, dispense de toute charge pour tous ceux qui n'ont que le nécessaire, abolition du régime militaire qui condamne les plus vigoureux de nos enfants au métier de tueur d'hommes, reconnaissance du droit au travail fondé sur le besoin de la faim, crédit à toute association de travailleurs, etc. Tout cela sera réalisé sans effort, sans lutte sanglante, par la seule manifestation de la volonté collective des communes fédérées. mais pour que cette volonté soit souveraine dans l'application comme elle l'est en droit, il faut que les représentants du peuple soient soumis d'une façon incessante à la révocation par le mandat. Le suffrage universel tel qu'il est pratiqué aujourd'hui constitue une véritable aliénation temporaire de la souveraineté du peuple pendant laquelle les mandataires peuvent méconnaître impunément sa volonté et ourdir une usurpation définitive. Déclaré par Dijon, retranscrit par son beau-père, le beau-père à Pouget dans le journal, et Pouget qui a grandi dans cette ambiance donc de commune, refus de l'État, avec les propos de Dijon, et passion du journalisme. Et Pouget s'est retrouvé au lycée, donc effectivement, il fallait avoir les moyens de se retrouver au lycée de Rodez, et il est écrit partout qu'il a publié un petit feuillet manuscrit qui s'appelait « Le lycéen républicain ». Alors, je ne suis pas historien, mais une aparté, mais j'ai l'impression que... Je ne sais pas quel est le premier bonhomme qui a écrit ça. Parce que c'est repris après dans toutes les biographies ou les travaux qui ont pu être faits sur Pouget. Aux archives de Rodez, on n'a pas trouvé trace. Aux archives du lycée de Rodez, on n'a pas trouvé trace de tout ça, etc. Et la famille Pouget n'a pas non plus trouvé trace de tout ça. Dans le bouquin de Métron, tu n'as pas de... Dans le bouquin de Métron, si, il le cite aussi, mais ça me donne ses sources. Hein? Ça ne donne pas ses sources. Voilà. Donc voilà, il se retrouve à Rodez, il fait cette petite revue, et il manque d'être renvoyé, mais son beau-père était devenu entre-temps conseiller municipal, et finalement, il n'est pas renvoyé. Ça sert des fois. Hein? Voilà. Et Pouget, il a 16 ans quand il monte sur Paris. Hein? Donc je vous passe les détails, parce que sa mère... vivait toute seule avec ce monsieur qui après est mort aussi très très vite, monsieur Vergely est mort très très vite, donc elle se retrouve toute seule, elle était obligée de trouver du boulot comme factrice postière à Salles-la-Source, et souvent on attribue le lieu de naissance de Pouget à Salles-la-Source, en fait c'est Pont-de-Salars, l'amour de Puech-Ventoux. Salles-la-Source c'est entre Marcillac et Rodez, c'est ça Voilà, c'est entre Rodez et de Casville, Marcillac, ouais. Salles-la-Source, où quand il était adolescent, il a vécu les révoltes d'Aubin, où il y a eu, c'est une grande grève de mineurs qui a servi à Zola, à illustrer Germinal et la fusillade. Donc il a grandi dans cette ambiance-là aussi. Hein. Voilà, Pouget monte à Paris, donc certainement d'après la famille, pour faire en sorte que la mère qui avait à élever un autre frère puisse débrouiller sans avoir à financer la vie de ce Pouget, et il commence à trouver un premier boulot dans un magasin de nouveautés. Il découvre le monde du travail, commence à fréquenter les meetings, il retrouve Émile Dijon, il se revoit fréquemment, et le jeune Aveyronnais devient sensible à la démarche anarchiste qui privilégie l'action directe plutôt que la délégation de pouvoir à des députés, fussent-ils ouvriers. À 19 ans, il participe à la création du syndicat parisien des employés du textile, un des premiers, et il convainc ses collègues de se doter d'un outil de propagande. Pouget a toujours été, ça a été une constante au long de sa vie jusqu'à ce qu'il arrête de militer, passionné de journalisme et d'écriture. Hein. Donc il leur a dit, il faut à tout prix créer un journal. Et donc c'est comme ça qu'est né le bulletin mensuel de la Chambre syndicale fédérale des employés, qui était déjà aussi un syndicat qui se voulait anticorporatiste. Et Pouget s'est fendu aussi d'un petit texte, il en a fait un petit opuscule qui s'appelait « À l'armée ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était quelque chose d'assez violent, puisqu'il disait entre autres « Allons, allons, soldats, au lieu de tourner vos armes contre vos frères, tournez-les contre les chefs, qui osent vous commander d'être fratricides. » Voilà. Et ce petit journal, il avait commencé à créer un réseau de distributeurs. Je pense que Louise Michel faisait partie de ce réseau, puisqu'on l'a trouvé à un moment, quand elle a été arrêtée, elle avait dans ses poches des mandats avec une espèce de listing d'adresses pour des gens qui devaient recevoir ce petit bouquin là, en 1883. Et ce petit journal était pas mal diffusé dans les milieux libertaires en France, et notamment on devait l'envoyer au-delà des murs des casernes pour que ça soit lu dans les casernes. Il a 20 ans, donc maintenant on est en 1880, il dévore les journaux anarchistes, il fait partie de quelques cercles anarchistes parisiens, et puis c'est le retour des députés, des déportés pardon, de la commune, qui reviennent. Donc là, Pouget est encore dans un bain beaucoup plus anarchiste encore, par le contact avec tous ces gens-là. Et à 21 ans, en 1881, il s'en va à Londres avec Louise Michel, participer avec 29 autres personnes, aux travaux du Congrès anarchiste international. hein, un congrès qui a décidé de porter l'action sur le terrain de l'illégalité et qui soulignait la nécessité de joindre la propagande par le fait à la propagande verbale et écrite et qui recommande d'avoir recours aux moyens qui soient en conformité avec ce but. Donc, c'est-à-dire que ça va être le début de des attentats. Alors, moi, ce que on intervient quand on veut, on discute, on confronte, on donne d'autres éléments et tout ça. Hein, c'est pas un truc, c'est pas un catéchisme que je fais là. Non, parce qu'il nous sied à ce moment-là. Voilà. Hein. Voilà, rajoutez des trucs parce que moi je vous dis ce que je sais, dites-moi ce que vous savez. Hein, c'est un échange. Voilà, et donc Émile Pouget se retrouve là-dessus, et souvent quand je fais, quand j'ai eu fait des causeries comme ça, on me disait, ouais, mais Pouget, c'est quelqu'un qui était pour les attentats parce qu'il les a jamais. Il les a jamais condamnés. Ouais, ouais. C'est vrai, effectivement, il écrivait, si un anarcho fout le pied dans les plats et casse les vitres sociales, c'est qu'il est fichu à cran par les abominations ambiantes et qui veut protester contre les vacheries des riches et des dirigeants. À qui la faute? À la société tout entière. C'est elle qui engendre la misère et l'oppression. C'est elle la responsable des actes de la révolte. Les anarchos n'y sont pour rien. Ils se bornent à constater que tout va de guingois dans la société capitaliste et crier casse-cou. Si vous dégringolez dans un précipice, rendrez-vous responsable de votre chute un bon fieu qui vous aura averti du péril et que vous n'aurez pas écouté? Eh bien non. Eh bien les anarchos ne sont rien de plus que des avertisseurs. Voilà. Voilà un petit peu ce que disait Pouget sur les attentats anarchistes. À cette époque-là, il y avait aussi Kropotkine qui, lui, essayait de recentrer les actions des anarches vers les actions collectives. Il écrivait, entre autres, « Il faut être avec le peuple qui ne demande plus d'actes isolés, mais des hommes d'action dans ses rangs. C'est donc au sein des masses que nous retrouverons le cheminement du mouvement anarchiste. » Il y a eu pas mal d'attentats, effectivement, comme vous savez, qui vont culminer avec celui qui va coûter la vie au président de la République, Sadi Carnot, en 1894. On revient, nous, dans les années 1880, c'est un aparté. En 1883, donc, Pouget se retrouve à une manif, le 9 mars, à Paris, sur l'esplanade des Invalides. C'était une manif des sans-travail, où il y avait plein de leaders, Il y avait plein d'ouvriers qui sont pointés, plein de chômeurs surtout. Hein. Il y avait, d'après lui, il écrivait 20 000 manifestants. Il y avait entre autres Louise Michel, mais pas que, il y avait aussi Pelloutier, il y en avait d'autres. Et à l'issue de cette manif, qui est descendue par le boulevard Saint-Germain, deux ou trois boulangeries auraient été pillées. Hein. Alors, auraient été pillées, il y a eu débat, j'ai retrouvé dans les intransigeants de l'époque, etc., qui racontent le procès. Il y avait une boulangerie, on avait juste tous pillé la boulangère, l'autre on avait juste piqué deux pains, etc. C'était monté en épingle. Hein. Voilà, ça c'est l'intransigeant qui raconte le procès de Louise Michel et de Pouget. Puisqu'en fait, à la fin, voilà le journal de l'Issagara et la bataille aussi, qui en fait écho, vont être arrêtées quelques personnes, Moreau, Martinet, Onfroy et Bouillet, et puis aussi Pouget et Louise Michel. Alors, chose bizarre, mais tous ces gens-là qui ont été arrêtés étaient porteurs de brochures aussi à l'armée, la petite brochure antimilitariste qu'avait écrite Pouget. Voilà. Donc, Pouget et Michel, c'est eux qui vont écoper, et Louise Michel vont écoper de peine, puisque Pouget prend 8 ans pour avoir participé à cette manif, avoir été accusé de pilleur, et puis aussi pour diffusion de sa brochure antimilitariste, et Louise Michel en prend pour 6 ans. Et donc Pouget s'en va en prison. Hein? Voilà. Pendant ce temps-là, dans sa région, il faut savoir que donc Pouget habitait quand il était adolescent sur Salle-la-Source, qui est pas loin du bassin minier de Decazeville. Il y a eu la révolte des mineurs et la défenestration de Vatrin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Certainement, oui. Après, on a inventé un terme, les vatrinades. Voilà, d'où le terme les vatrinades. Il y avait un contremaître qui était très très très zélé, qui avait un pourcentage à chaque fois que la rémunération du mineur baissait. Et donc il mettait un point d'honneur à faire baisser tout ça, puis un jour les gens en ont eu marre, il y a eu une espèce de tentative de conciliation entre les représentants des mineurs et ce Vatrin qui n'a rien voulu entendre, il s'est caché dans un bâtiment de la mine, ils sont montés. Ils l'ont défenestré, et puis même pour la petite histoire, une dame lui a fait pipi dessus, enfin, ça a été, voilà. C'était quelque chose d'assez hard. Et puis, Pouget, lui, se trouvait à cette époque-là. Oui. Une photo, là, ou un dessin? Un dessin, ouais, ouais. On voit passer par la fenêtre, voilà, ouais, ouais. Et Pouget, lui, il est toujours en prison à cette époque-là. Mais il en sort quand même au bout de 3 ans et 10 mois, parce qu'il est amnistié, en 1887. Il devient représentant pour une librairie parisienne, et il reprend contact avec ses copains anarchos, et en même temps, à cette époque-là, est en train de se développer la voie syndicale dans le monde ouvrier. Il y avait d'un côté les Bourses du Travail, et puis d'un côté les syndicats guésdistes, on va dire réformistes, hein, qui ne voyaient qu'une possibilité de changement, entre guillemets, que par les élections. Hein, et puis donc une espèce de couloir de transmission à la SFIO. Voilà. Et l'autre côté, il y avait les Bourses du Travail, un regroupement syndical que vous connaissez, qui est hostile à toute compromission avec ceux qui combattent, qui est pour l'autonomie syndicale par rapport au parti ouvrier, et qui est partisan des actions interprofessionnelles. Qui était Pelloutier, un des animateurs des Bourses du Travail, qui disait « Il ne convient pas aux membres du comité fédéral de s'asseoir à une table qu'ils rêvent de renverser. » Alors, je suis membre de Sud, Éducation, et c'est quelque chose que je rappelle souvent quand il y a des débats, faut-il participer au CAPD, faut-il participer au comité paritaire, etc. Voilà. Je vais pas vous parler des Bourses du Travail, parce que j'imagine que vous connaissez. Hein? Je peux t'interrompre, oui, vas-y. Juste une minute, même pas, j'ai complètement oublié, après la réunion. À chaque fois, on fait un repas au restaurant avec le conférencier. Il faut que je téléphone tout à l'heure pour dire combien on sera. Ça sera à côté, un restaurant chinois qui est de la Faye. Qui c'est qui vient au restaurant ce soir? Vous restez, Clotaire? Ah bon? Est-ce que tu veux rester, Clotaire? Moi, je suis suffisamment en forme pour pouvoir rester ce soir. Oui. Oui, 3, 6, ok, c'est bon, excuse-moi de t'avoir dit à toi. Non, du tout, j'aimerais être interrompu plus souvent. Voilà, en 1888, donc voilà, le premier journal de Pouget arrive, c'est le Saïra. Le Saïra, mais auquel vont participer aussi, entre autres, Malato, mais il ne va tenir que 10 numéros. Hein? Et puis, n'ayant plus aucun moyen d'expression, à l'époque où battait l'agitation contre le boulangisme et le général Boulanger, il commence à sortir une première affiche grand format qui s'appelait « La première du père Pénard au Populo ». Alors j'ai eu la chance de pouvoir, on a eu la chance avec ma compagne Dani de pouvoir accéder aux archives de la famille Pouget. Et Jean Pouget, qui est l'arrière-petit-neveu, qui est le petit-neveu, pardon, d'Émile Pouget, a tout gardé. Les Pères Pénard, la Sociale, le Saïra, tout ça. On le travaille au corps pour qu'ils viennent l'amener ici au Saïra, parce que c'est d'une qualité remarquable. Et les affiches que faisait par exemple Pouget, il y en a toujours une qui gardait de côté, peut-être pour l'histoire ou pour le Saïra, va-t-en savoir. Mais elles sont toutes neuves. Les numéros du Père Pénard, il faut encore les ouvrir avec un... parce qu'ils n'ont pas été ouverts. Et donc, c'est très émouvant de voir ces grandes affiches-là, le Père Pénard au Populo, hein. Où il appelait donc à réagir, à ne pas se faire avoir par Boulanger. Et déjà dans ce père Pénard, il y avait Maximilien Luce qui lui avait fait un petit bonhomme dans un coin, qui était le... Alors ce père Pénard, en fait, c'est un truc très fort, je trouve, c'est un boulanger, un niaf journaleux. Hein. Niaf, ça veut dire quoi? Un boulanger. Cordonnier. Je m'arrêtais quand je dis souvent des mots les uns pour les autres, c'est un cordonnier. Voilà, c'est un cordonnier, hein, qui... à qui il voulait plus se faire avoir, c'est-à-dire il s'était fait avoir, il aurait cru d'après Pouget en l'Empire, il s'est fait avoir, en la République il s'est fait avoir, la Commune, ben, il y a cru, mais la Semaine Sanglante, ben, il en est resté un petit peu désabusé, on ne l'a fait plus, disait-il, désabusé par la politique, ben, maintenant il allait coucher ses réflexions sur le papier. Voilà. Donc, on l'imagine dans son atelier, puis il fait parler ce bonhomme-là, le père Pénard. C'était un discours clair, direct et imagé, loin de tout académisme. Alors, voici ce qu'écrivait Pouget dans un des premiers numéros de père Pénard. Il parlait comme le père Pénard, il faisait parler le père Pénard. Naturellement, dans ma qualité de niaf, je ne suis pas tenu à écrire comme les niguedouilles de l'Académie. Vous savez, ces 40 cornichons immortels qui sont en conserve dans un grand bocal de l'autre côté de la Seine. Ah non, alors que j'écrirai pas comme eux, primo parce que j'en suis pas foutu, et surtout parce que c'est d'un rasant, je vous dis que ça. Et puis, il faut tout dire, la grand-mère que j'ai eue à l'école ne m'ayant guère servi qu'à me torcher le cul, je ne saisis pas en quel honneur je me foutrai à la piocher maintenant. Voilà. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il avait fait des études, donc il parlait pas comme ça, donc c'est de savoir qu'ayant fait des études, il a pris la langue du peuple. Est-ce que c'était vraiment... Est-ce qu'on sait si le peuple parlait comme ça ou si c'est artificiel? D'après ce que j'ai pu lire, c'était... Alors non, c'est pas artificiel. Moi, j'ai retrouvé des gens en Corrèze qui ont lu le bouquin et qui ont dit « Mais moi, mon père ou mon grand-père parlait comme ça, quoi. Hein, de gens foutres, de, etc. Et de bons bougres, etc. » Utiliser ce mot-là. Après, moi, je me suis beaucoup basé sur la thèse d'Augustine et puis des thèses que j'ai trouvées ici, de Claude Hiver, entre autres, où ils disent que c'est l'argot des gars qui bossaient dans le faubourg Saint-Antoine. Hein, voilà, ce niaf. Est-ce qu'il y a aussi une parenté qui semble probable, mais je ne sais pas si vous trouvez, entre Claude Hiver et Claude Hiver? Alors oui, tu fais bien de me le rappeler, c'est qu'il a aussi pompé, il s'est vachement inspiré de ce qui était fait dans le Père Duchesne. Oui, bien sûr. On retrouve pratiquement ce même vocabulaire dans le Père Duchesne. Hein. Voilà. Voilà, donc Pouget disait ce qu'il avait envie de dire, sans aucune crainte de la répression. Alors une aparté pour Jean. Parce qu'effectivement, tout le long de la vie qui va durer à peu près une dizaine d'années, ce n'est plus, du père Pénard, chaque fois, il a été interdit par la police, on saisissait le numéro, et c'était le gérant qui allait souvent en prison, enfin, ou qui était condamné, hein, et pas le journaliste. C'est curieux parce que c'est au contraire de... Voilà. Voilà, c'est vrai. C'est pour ça que ça m'a frappé, moi, à la lecture, j'ai dit, c'est amusant, parce que les administrateurs ont été des gens très dévoués. Oui, oui. Ils ont écopé chaque fois de 2-3 ans de prison. Voilà. Alors qu'il y avait des gouvernements qui duraient comme responsable. Voilà. Et c'est pas fini, hein, et ça continue maintenant. Et c'était presque un honneur pour certains. C'était pas, voilà. Maintenant, moi, si j'écris sur un journal quelconque, c'est ma responsabilité entière. Mon avis, le directeur est toujours responsable. Oui, mais il est responsable pour moitié. Oui. Il y a eu un procès il y a relativement peu de temps au monde libertaire. Tu vois que le Brienne qui était. Tu vois qu'il remonte en François Ier, alors c'est assez loin. Oui, c'est. Tu les vois sur l'imprimerie, sur le droit d'auteur, le polygal, tout ça. C'est François Ier. Voilà un père Pénard. C'est tout à fait. Oui, non, mais c'est intéressant parce que il y avait chez certains, donc j'ai vu dans des perpénards où il y avait des fois des gérants qui s'exprimaient en disant que pour eux c'était un acte presque militant, et c'était presque une fierté d'avoir été condamné pour... Alors ils n'étaient pas bêtes parce qu'en fait, il y avait entre le jour où ils étaient convoqués pour le procès un certain nombre de jours, et donc souvent ils partaient, etc. quoi. Mais bon, il y avait l'exil, et il fallait à chaque fois, dans les numéros qui reparaissaient après, il y avait appel à souscription pour soutenir la famille de machin, parce que... voilà. Hein. Alors il arrivait à user de beaucoup de ficelles, notamment par exemple... Il y avait une législation très très très très dure, enfin très précise pour les journaux, et des fois il enlevait le dessin, ça suffisait pour qu'il puisse reparaître. Voilà. Donc il rebondissait chaque fois. Chaque fois que j'ai lu sur Pouget, j'avais l'impression que c'était une... Vous savez, les boîtes où on met une marionnette, on ferme tout ça, et puis ça ressort dans l'autre sens, on n'arrive pas à bouger. Le temps qu'il a sa période père Pénard, c'était ça, quoi. C'était un gars qu'on n'a jamais pu faire taire. Au moins sa période père Pénard. Hein. Alors j'aurais envie de vous montrer un père Pénard en petit format, mais voilà, ça ressemblait à ça, en ce format-là, quoi, à peu près. Il y en a ici des pères Pénard? Oh, ben, ils sont à la bibliothèque, voilà. Aux archives départementales. Voilà, hein. Ah, tu les as aux archives? Donc il a été aidé par plein de copains artistes, dont Maximilien Luce. C'était Pouget qui les rédigeait totalement. Des fois, il y avait tout un réseau de copains, de compagnons qui lui envoyaient de la doc, des infos, etc. Il les retranscrivait dans le style du père Pénard, hein, pour qu'il y ait une unité. D'ailleurs, il les encourageait, il leur disait « Ceux qui voudraient envoyer des tartines n'auront pas besoin de pommader les phrases, d'aligner les lignes au fil à plomb, d'éplucher des mots pour qu'aucune lettre ne manque à l'appel, pourvu que ce qu'ils dégoisent ait du bon sens et ne soit pas pondu avec une arrière-pensée ambitieuse, on se fout du reste. » Et le reste, c'est lui qui le faisait. Hein, voilà. Donc on collaborait plein d'anonymes. Au niveau des artistes, il y a eu Maximilien Luce, Pissarro, les deux frères, Villette, Constantin Meunier, Paul Signac. Il y a eu des poèmes, des chansons. Alors sur la une, alors pas celui-là, c'est pas le bon exemple, mais voilà. Il y avait souvent un grand titre, en gros, parce que c'était la seule chose qu'on pouvait gueuler quand on était colporteur, et ce journal était pas mal vendu par un réseau de trimarteurs et de colporteurs, donc là on avait le droit de crier sur la République sans qu'on vous arrête. Le père Pénard en cour d'assises pour avoir gueulé trop de vérité sur l'armée et la patrie. Voilà, voilà un exemplaire de journal où il est encore voilà, emmerdé. Il utilisait dans son journal, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un journal très agréable à lire parce qu'il a un discours très décapant, enfin en tout cas qui nous, libertaires, nous fait, moi ça me fait beaucoup plaisir de voir. Il n'y a pas de Pouget, il n'y a actuellement personne qui écrive comme ça. Et je pense que actuellement de nos jours, c'est quelque chose qui manque parce qu'il disait tout haut ce que beaucoup de gens pensent et ils n'osent pas écrire, mais il le disait avec les mots de tous les jours, quoi, et avec une force et une énergie qui est décapante. Lire le père Pouget, c'est très décapant. On a rencontré quelqu'un, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un gars qui travaille au Monde, qui s'appelle Edoui Plenel. Et bien, Edoui Plenel, quand il était jeune, avant d'arriver, de faire son discours, oui, il a commencé par la LCR, mais avant, il habitait chez les descendants Pouget, parce qu'il était étudiant. Et il dévorait les pères Pénard. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est malheureusement, si ça a une influence sur son parcours. Voilà. Hein. Il faut dire que c'était quand même lu là aussi largement au-delà du mouvement anarchiste. Voilà, c'était le fait qu'il soit diffusé par un tas de colporteurs dans les campagnes, etc. Ou Pouget était aussi, je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit né en milieu rural, il accordait beaucoup d'importance au monde paysan. Et au rôle que pourrait jouer le monde paysan dans une société, un devenir anarchiste, quoi. Hein. Et donc il y avait notamment beaucoup de romans. Il donnait ses idées avec un tas d'images. Il faisait plein de romans d'anticipation. Et c'est comme ça qu'il décrivait comment pouvait être la société, la société future, ouais, la sociale, comme il disait. Voilà. Hein. Et notamment, il y a toute une série de. Ce serait à rééditer Jabinage avec un fiston et les babillards d'un camp plus char. Donc, c'est toujours un dialogue comme ça avec un papy qui se demande mais pourquoi tu veux que je collectivise mes terres, et le petit fiston qui prend des exemples bien concrets, etc. Et c'est très très clair aussi. Hein. Il arrivait à mettre des mots sur une théorie. C'était tiré à combien d'exemplaires, on sait? Si, on doit marquer là-dessus. Métron avait noté. C'était un hebdomadaire, c'est oui, oui, oui, c'était un hebdomadaire. Hein. Voilà. Ces articles étaient mis en évidence avec des petites vignettes comme ça. Donc, pour tout ce qui était sur la justice, c'était cochon de vautour, ou palais d'injustice, sur les patrons, masticage d'exploiteurs. Il faisait aussi beaucoup, c'était un des premiers. Peut-être le seul à cette époque-là, a évoqué les petites grèves, les petites actions qui se passaient, enfin petites grèves, il n'y a pas de petites grèves peut-être, mais les actions qui se passaient dans les usines aux quatre coins de France, mais un des premiers à avoir commencé à parler de ce qui se passait aussi à l'étranger, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, même aux USA. Donc il déclinait tous ces thèmes en pamphlets, en chroniques, en évocations historiques, en romans didactiques de propagande et en poèmes, chansons et dessins. Et ces thèmes étaient bien sûr portés sur la justice bourgeoise, l'antimilitarisme, l'anticléricalisme, la lutte contre le capital, la duperie du suffrage universel et du parlementarisme, la misère du peuple, les luttes ouvrières, le 1er mai et l'appel à la grève générale. Voilà, puisqu'il disait que c'est tout ce qu'il écrivait dans ce journal n'avait qu'un seul et unique but, saisir l'opinion, réveiller le populo en vue de ce qu'il appelle le commencement de la fin. On est tombé avec Dany sur une affiche formidable du père Pénard. C'était pour... alors, il s'était inscrit pour participer à une élection. Ça lui donnait l'opportunité de pouvoir faire coller des affiches avec un tampon en bas. Et il appelait à voter pour tout un tas de gens avec un programme très, très communard. Et tous ces gens-là étaient des communards morts et fusillés. Voilà. Donc, il a pu afficher ça en toute légalité. Il y a un de ces soirs, à une soirée qu'on faisait, là, un jeune lycéen est venu me montrer que dans le bouquin de cette année, là, de ces années, je ne sais pas s'il y a des anciens dans la salle, là, mais en histoire première ES, dans le bouquin d'histoire, sur le refus du système capitaliste, il y a un texte du père Pénard, de Pouget, qui est assez intéressant. On est amis avec, enfin on est amis parce que ça fait on a un parcours... depuis quelques années, ça remonte à loin, avec José Beauvais, et on l'a envoyé à Beauvais avant qu'il qu'il réfléchisse. Refusons de farcir de torche-cul les tinettes électorales. Depuis le temps qu'on use du truc, nous devrions être fixés sur la politique. Voilà 50 ans que nous votaillons à tire-larigot, la belle jambe que ça nous fait, où est le bénef? Il n'y en a que pour les riches, eux seuls la même joyeuse se font du lard. Et foutre, il n'y a pas à se monter le job. Loin d'être les maires, le blanc, les nouveaux députés seront des podionistes. Kiff kiff les anciens, voilà, qu'on les choisisse juifs ou anti-juifs, crétins, opportunaires ou social ou à la manque, ce sera même du péri. Pour le populo, il n'y aura rien de changé. Voilà. Il n'y aura de véritable jubilation pour le populo que le jour où, grâce à une faramineux coup de collier, la société sera échenillée de la vermine étatiste et patronale et où la terre sera rendue aux paysans, l'usine aux prolos, la mine aux mineurs. Voilà, c'était le père Pénard de 1898. Voilà. Hein? C'est d'actualité comme... Oui. D'actualité, voilà, évidente. Voilà, alors, Pouget avait envie, avec ce journal aussi, d'accompagner le mouvement ouvrier syndical. Il avait envie de faire corps avec ce mouvement, tout en n'étant pas dupe de ses possibilités de réussite. Notamment, on s'en rend compte quand il a popularisé avec d'autres, notamment avec Tortelier et Pelloutier, l'idée de grève générale, autour notamment des manifs du 1er mai, où était réclamé le travail à 8 heures. Et alors, il est bon d'avoir en tête ce texte de Pouget de 1893-14, qu'on mettra en parallèle tout à l'heure avec le Pouget qui était à la CGT. Alors voilà ce qu'il disait quand il était au Père Pénard, enfin quand il avait son époque au Père Pénard, à propos des journées de travail à 8 heures. S'adresser à la gouvernance pour les 8 heures, c'est se tromper de porte. C'est au patron qu'il faut casser le morceau. Il y a de bons bougres qui se figurent que ces réformes beurreraient leurs épinards. À cela que je dise, tant qu'ils mendigoteront des bricoles, le singe ne leur aboulera que des foutaises. Si on doit décrocher les 8 heures, elles ne nous tomberont sur le museau que le jour où, au lieu de s'en tenir aux bagatelles, on s'alignera pour prendre possession des usines. Du coup, les capitalos mettront les pouces pour conserver leur sein frusquin. Ils nous autoriseront à ne travailler que 6 heures, pourvu que ce soit à leur compte. Voilà, hein, donc en fait, il ne faut pas se faire avoir. Il disait, tous ces fourbis de socialos à la flanc, les 3-8, le minimum de salaire, etc., c'est des dérivatifs. La question n'est pas de travailler tant d'heures, de toucher tant, mais plutôt de ne pas être exploité. Voilà. Donc lui, dans son époque Père Pénard, il a fait pas mal d'articles sur le 1er mai, mais toujours en voyant ça comme un tremplin vers un changement de société. Et c'est là qu'il a commencé à mettre pratiquement dans tous les numéros des superbes articles sur la grève générale. Vous voulez que je vous en lise un, là? Ouais, ça vous fait plaisir. Vous vous en laissez pas? Ah, il y a... Voilà, alors... Alors, il ne faut plus se foutre en branle les uns après les autres. On n'y gagne que de se faire assommer chacun à son tour et sans profit pour personne. Aujourd'hui, c'est la grève générale qu'il faut. Par exemple, pour le moment, c'est les mineurs qui font du pétard. Le plus beau coup serait que tous les bamboucres qui travaillent dans les mines cessent illico de sortir du charbon. Oui, nom de Dieu, il n'y a plus que ça aujourd'hui, la grève générale. Voyez-vous ce qui arriverait si dans 15 jours ou 3 semaines, il n'y avait plus de charbon. Les usines s'arrêteraient, les grandes villes n'auraient plus de gaz, les chemins de fer roupilleraient. Ça serait la grève forcée pour un tas de métiers. Du coup, le populo presque tout entier se reposerait. Ça lui donnerait le temps de réfléchir. Il comprendrait qu'il est salement volé par les patrons. Les dames, il se pourrait bien qu'il leur secoue les puces, dardard. Mais nom de Dieu, faudrait pas se borner à la grève toute pure. C'est une blague infecte. qui ne procure que davantage de mistoufles si au bout d'un mois ou deux, il faut rentrer couillon comme la lune dans le bagne patronal. Faut plus de ça, Miltonnerre. Les bons bougres comprendront qu'ils ont mieux à faire qu'à s'enfermer dans leur piole ou à se balader en randonnant en gueulant des chansons pacifiques. C'est l'actualité, ça aussi. Ils comprendront que le moment est venu de foutre les pieds dans le plat, tant que le populo ne se sera pas foutu dans la caboche. Qu'il doit se passer de patron, il n'y aura rien de fait. Or, pour apprendre à se passer de cette sale vermine, il faut faire comme si elle n'existait pas. Ainsi, par exemple, les mines. C'est les mineurs qui les ont creusées, c'est eux qui les entretiennent et les pomponnent, c'est eux qui en sortent le charbon. Les grosses légumes ne font qu'empocher les picaillons et rien de plus. Donc, une fois que les mineurs seraient tous en l'air, que la grève serait quasiment générale, après avoir affirmé en quittant le turbin qu'ils en ont plein le cul de travailler pour leurs singes, faudrait, nom de Dieu, qu'ils se foutent à turbiner pour leur propre compte. La mine est à eux, elle leur a été volée par les Richards, qui reprennent leurs biens, mille bombes. Et si les mineurs travaillaient pour eux, s'ils refusaient aux exploiteurs les gros bénéfices, il n'y aurait plus les avaros qu'il y a, plus de grisous, plus de types crabouillés, plus de purée pour les vieux, plus de mistoufles pour les estropiés. Oui, nom de Dieu, voilà ce qu'il faudrait. Et le jour où à ces marioles, il y aura une tripotée de bons bougres qui commenceront le chabaner dans ce sens, eh bien, nom de Dieu, foi de Père Pénard, le commencement de la fin sera arrivé. Voilà. Alors, il y a peut-être discussion sur le travail, la notion de travail, mais bon, en tout cas, voilà ce qui... C'était en quelle année, ça 1894-1895, ouais, ouais. Hein? La première partie, ça ressemble à l'an 01 GB. Ah ouais. Arrête pour réfléchir. C'est ouais, ressemble au Père. Ouais, je sais pas, mais ouais. Ça ressemble un peu à Grotchou aussi, 10 ans plus tard. Bon, voilà. Pour en revenir à ce qu'on dit tout à l'heure avec Jean sur la répression qui a frappé ces journaux, il est édifiant de voir que chaque fois qu'un journal est interdit, pour telle ou telle raison, par exemple, il avait un laps d'encore 2-3 numéros de parution avant que vraiment il ne puisse plus paraître, et donc il apprend à ses lecteurs que pour tel article j'ai été condamné à passer en cour d'assises, et l'article est reproduit dans son intégralité, deux fois. Et il met un chapeau où il demande au lecteur de lire sur l'air de la chanson Le Petit Navire. Il y a marqué « Si cette histoire vous emmerde, nous allons, nous allons la recommencer. » Et donc à chaque fois, il republie l'article incriminé. Il a fait aussi, pendant 5 années, un almanach, l'almanach du Père Pénard. Alors j'en ai amené, peut-être que vous en avez ici, une photocopie. Voilà, ça c'est l'almanach qui est très rare, de 1894, puisqu'il est sorti au mois d'octobre 1893, et il a été saisi le 1er janvier 1894. Hein. Mais déjà, il y en avait eu plein de vendus. Hein. Donc, alors l'almanach, c'était quelque chose qui était pas mal utilisé, notamment en milieu rural, et diffusé par l'école Porteur, hein, où on avait les saisons, les marées pour la Bretagne, etc., l'horoscope, et patatin. Voilà. Et donc lui, il a fait son horoscope à sa façon. Alors, dans le... J'en ai mis quelques-uns à l'intérieur, l'horoscope, des chansons, et puis il mettait des articles de fond sur la grève générale, sur les élections, le parlementarisme. Voilà, et il a fait ça... Avec les mois républicains. Oui, il avait toute une théorie sur la division à 7 jours et le calendrier républicain. Hein, voilà. Voilà, et donc par exemple, voici ce qu'il disait pour l'hiver. Un tout petit court extrait, hein, quand il faisait un chapitre sur les saisons. C'est un hiver, un jour quelconque, choisi au hasard de la fourchette par des pantouflards de la haute, que s'amène le commencement de l'année crétine. Le 1er janvier en style esclave. Il tombe moins de mouches blanches en tout l'hiver qui ne se débitent de fausseté ce jour-là. On se rend des visites à contre-cœur. On s'expédie des bouts de carton en ronchonnant. Et on s'écrit des babillardes jésuitiques où le sucre et la pâte de guimauve cachent le fiel. 1er janvier, c'est la journée des mensonges, des fourberies, des hypocrisies et des reniements. Bien vu, hein. Voilà. Alors, tout à l'heure, on évoquait... Donc, voici aussi un extrait d'un texte du Père Pénard qui est super intéressant et qui explique un petit peu l'intérêt de faire une société anarchiste. Alors, c'est un dialogue entre un fiston, un petit tout, et puis le Père Pénard. Ça s'appelle « Jabotage ». Alors donc le Père Pénard répond au fiston qui se demande quel est l'avantage de faire une société anarchiste. Alors il y a deux systèmes, je vais par un exemple te donner à choisir. Figure-toi que la société est seulement composée de 20 personnes, ayant toutes un métier utile. Malheureusement sur les 20, il y a un feignant qui refuse de travailler et qui veut vivre au crochet des copains. Les 19 autres, un groom long d'une pipe. Après bien des discussions, ils décident de couper les vivres au mec et pour l'empêcher de rien barboter, ils choisissent le plus grand, le plus fort et le plus bête d'entre eux qui bombarde le gendarme. Un beau soir, le pandore pomme le feignant sur le tas en train de tordre le cou à une poule. Il le passe un brin à tabac et l'amène au Camaro, mais qu'en foutre. Si on le relâche, il s'en retournera choper les poules. Alors après bien des hésitations, on décide de le foutre à l'ombre. Mais où? Faut une prison, pour ça on délègue le maçon et le serrurier, qui pendant quelques semaines lâchent leur turban utile pour édifier cette saloperie appelée prison. On y enfourne le feignasse. À ce moment, un remords germe dans le siphon des 19. Avons-nous le droit de priver ce coco de sa liberté? Après s'être bien chamaillé, s'être foutu des nions sur le niasse, ils accouchent d'une constitution. Comme ils sont très démocrates socialistes, ils organisent la législation directe du peuple par le peuple, avec référendum et tout le bazar. Une salade qui, pour ne pas être russe, n'en est pas moins infecte. Maintenant, il n'y a pas erreur. On a le droit de mettre le feignasse au clou, à condition qu'un jugeur le condamne. Faut donc décrocher un jugeur. On donne cette corvée au plus salaud des 19. Enfin, ça y est, le feignant est au ballon. Mais comme il la trouve mauvaise, il a fallu lui coller un gardien. On a choisi pour ça. Toujours sur les 19, le plus sournois de la bande. Récapitulons. Pour se garer d'un flemmard, mes 19 andouilles sont donc arrivés à nourrir à rien foutre. Primo, un gendarme. Deuxièmement, un jugeur. Troisièmement, un gaffe. Quatrièmement, pendant un sacré temps, le serrurier et le maçon ont eu un tintouin du diable pour bâtir la prison, tandis qu'ils laissaient des turnes des bambougres se délabrer. Cinquièmement, le plus gondolant, c'est que mes 19 loufoques nourrissent tout de même leurs feignants, faut qu'ils bouffent au clou. Voilà, fiston, ce qui se passe en grand dans la vache de société actuelle. Pour ne pas nourrir une flemme, on en nourrit 4. Dans une société anarchote, on manœuvrera autrement, s'étant rendu compte qu'il est plus onéreux de foutre un saloupieu au clou que de le laisser vagabonder, on se résignerait à le nourrir en le méprisant. Or, pour supporter le mépris de tous, faut une sacrée dose de caractère incompatible, le plus souvent avec la flemmenza. Le feignant serait vite dégoûté de son inoccupation et bricolerait. En tout cas, il se produirait quelque chose d'approchant à ce que nous voyons dans la société actuelle. Le métier de mouchard et celui de maquereau font vivre leur homme sans rien foutre. Pourtant, il n'y a pas épée de type qui en pince et ceux-là même n'avouent pas leur sale profession, ils s'en cachent craignant le mépris. Ceci dit, petit haut, entre les deux systèmes, celui de la répression des feignants ou le fourbi anarcho, lequel te botte? Voilà. Et donc c'était comme ça. C'était un style très populaire, très facile à lire, très agréable, très décapant, très humoristique, qui faisait, il arrivait à faire passer des trucs fabuleux. Notamment, ce texte, moi c'est un des meilleurs que je trouve que j'ai pu lire de Pouget, c'est sur l'illusion que le fait de voter nous rend maître de notre décision. Alors il va compter, vous le connaissez ce texte? Vous allez voir, c'est fabuleux. Alors si un jour quelqu'un a envie de faire une pièce de théâtre avec les textes de Pouget, je pense que ça remporte. Henri Mouisset, qui était diffuseur du Père Pénard. Et il y a aussi un gros dossier en Aveyron, puisqu'Henri Mouisset était aveyronnais, mais il y en a aussi un à 7, là où il est passé. Et cet Henri Mouisset était quelqu'un de fabuleux, c'était un des vendeurs du Père Pénard. Lui, par exemple, il n'a pas hésité à aller à Millau à chercher du travail, et d'abord en vendant ses Pères Pénards. Ça ne marchait pas très fort, il a essayé de se faire embaucher, mais chaque fois qu'il trouvait du boulot, les flics arrivaient en disant « Vous savez que vous avez recruté un anarchiste ?» Et donc, il se retrouvait au chômage, dans la rue, et puis il a fini par être incarcéré, et même étant incarcéré, il insultait les gendarmes qui passaient sous la prison, les policiers, etc., etc. Il en a pris pour quelques mois, et le jour de sa libération, on lui a dit que pour avoir chanté des chansons anarchistes, il en reprenait encore pour un an. Donc là, il s'est mis en colère, il a un petit peu mordu au doigt, à la main, le policier, et dans la bagarre, il y a eu quelques vitres cassées. Et ça lui a valu le bagne d'où il n'est plus revenu. Quoi. Hein, voilà. C'était un des vendeurs du Père Pénard, dont j'ai trouvé les traces ici au CIRA, grâce à Gilbert et à Francis. Comment? Ouais. Pas mal de luttes sociales. C'est vrai. Jusqu'où c'est fiable, les archives de police, parce que des fois ils se plantent complètement. Des fois ils bidonnent aussi. Ouais. Oui, parce qu'il faut qu'ils rendent des rapports, j'imagine. Non, c'est tout de même fiable, parce que c'est le reflet de ce que voit et enregistre. Et comment ils perçoivent l'individu qu'ils observent. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'individu tel qu'il était ressemblait à ce que les flics constataient. Ouais, ouais. Donc, mais c'est vrai que depuis des archives qui ont été récupérées chez vous en Russie, là, à Fontainebleau, enfin, tous les copains vont là-bas et c'est une source, là, c'est des sources fabuleuses parce que là il y a plein de choses qu'on découvre depuis quelques années. Je ne sais pas si tu as été à Fontainebleau. Là je travaille sur un bouquin sur Jean Petit qui était un. Jean Petit, qui était un. C'est assez rien à voir, hein, mais c'était pour te dire qu'effectivement, Jean Petit, c'était un paysan, enfin pas un paysan, on va dire un croquant du XVIIe siècle, qui a participé aux révoltes des croquants en 1643. Il y a une chanson que vos enfants ont chantée dans Jean Petit qui danse, qui en fait n'est rien moins qu'une chanson qui raconte sa torture, puisqu'on lui a brisé les membres sur la roue, et pendant 6 mois, il a mené une grosse révolte de croquants à Villefranche-de-Rouergue. Et beaucoup d'éléments d'archives entre le sénéchal de l'époque viennent se retrouver à Fontainebleau parce qu'ils étaient partis justement en Russie. Voilà. Oui, tout à fait. Mais, c'est pas directement en rapport, mais ça, quand même, je crois que ça concerne un peu le sujet évoqué. Les rapports entre la police et les anarchistes, ils étaient quelquefois curieux. Quand il y avait une visite présidentielle dans une région, il fallait faire une rafle des anarchistes pour les consigner en prison pendant les 4 ou 5 jours où ce président, enfin cette grande personnalité, était dans la région. Et alors les gars se faisaient arrêter et puis on les mettait en prison, il fallait les nourrir. Mais les mecs ils s'emmerdaient et qui chantaient des chansons révolutionnaires à longueur de journée. Alors les flics, ils en avaient plein la tête et ils allaient arriver que les flics passent avant la visite du président qui passait par là, en disant « Foutez le camp parce qu'on va être obligé de vous arrêter. » Parce qu'il ne voulait pas entendre encore pendant des jours et des jours l'international et puis les autres chansons que vous pouvez voir. Ah ouais, d'accord. C'était les flics qui venaient dire aussi « Foutez le camp et qu'on va venir, on va vous arrêter. Ouais. » Ah ben justement... C'est pas parce qu'ils étaient un art, c'est parce qu'ils en avaient marre pendant les 3 ou 4 jours d'entendre toujours les mêmes... Les mêmes chansons. Ouais. Et bien justement, nous on se retrouve le 1er janvier 1894, quelques semaines après les lois scélérates, et le père Pénard est interdit, son almanach aussi, et il reparaît quand même, interdit, il reparaît, sauf qu'au lieu d'avoir 8 pages, il n'en a plus que 4, avec un titre qui est « C'est pas parce qu'ils m'auront un brin serré la gargamelle » qui mourront estrangoulés. Il reparaît encore 15 jours après où il y a marqué « Le caneton ne marche que sur une patte, il va à cloche-pied ». Mais après, le 21 février 1894, ben, il n'y a plus rien. Il y a toute la presse anarchiste est muselée. En juin 1894, c'est l'assassinat à Lyon de Sadi Carnot par Santo Caserio. Et en août 1894, c'est le procès des 30 inculpés anarchistes qui sont accusés d'avoir constitué une association de malfaiteurs et qui sont appelés à comparaître devant la cour d'assises de la Seine. Il y a un acquittement général qui est prononcé, sauf pour les 3 personnes qui ne se sont pas rendues au procès, dont Émile Pouget. Il était parti à Londres se cacher. Et il est condamné par contumace à 20 années de travaux forcés. Et de là, il refait un père Pénard qui reparaît le 15 septembre 1894 et qu'il arrive à faire passer en France. Il publie comme ça 8 numéros. En étant à Londres, Pouget va se rapprocher du monde syndical anglais et notamment découvrir une de leurs méthodes de lutte qui vient lui inspirer, le sabotage. Hein? Qui pourrait être l'action directe, non, on pourrait appeler ça comme ça. Ça vient du terme anglais, sabotage, c'est lui qui a inventé le mot le sabotage, c'est à savoir ça aussi. Ça vient de travailler à coups de sabot, comme son personnage était un cordonnier, mal travaillé, etc. Et d'ailleurs, ça s'écrivait sabotage, il l'écrivait avec 2 T. Et maintenant, c'est rentré dans le dictionnaire avec un seul T. C'est ce qui est remarquable, d'ailleurs, c'est que c'est une des brochures qui est le plus voilà. Alors que c'est complètement obsolète quant aux méthodes, parce que les machines à vapeur, il y a Ah oui, mais ça... Il faut mettre ordinateur à la place. Oui, machine à vapeur. Voilà, ça dépasse, je crois, le... On a compris. On connaît bien les exemplaires, qui ont été réédités. Et traduite en de nombreuses langues. Et celle-ci a été rééditée en 2003, par les éditions Mille et une nuits. Voilà. Donc voilà, et Pouget va revenir en France avec une idée, essayer de faire en sorte de redonner une nouvelle voie aux militants anarchistes en les incitant à rentrer dans le syndicat. Ouais. Voilà, non, je crois que tu disais quelque chose, non? Non, non. Ah, d'accord. D'ailleurs, il disait, je suis anarcho, je veux semer mes idées. Alors, je ne sais pas si on dit anarcho ou anarcho. Je veux semer mes idées, quel est le terrain où elles germeront le mieux? J'ai déjà l'usine, le bistrot, je voudrais quelque chose de mieux, un coin où je trouve des prolos, se rendant un peu compte de l'exploitation que nous subissons et se creuse la tête pour y porter un remède. Ce coin existe-t-il, d'après lui? Il dit oui, nom de Dieu, et il est unique, c'est le groupe corporatif, le syndicat. Un endroit où il y a de la riche besogne pour les camarots à la redresse, c'est la chambre syndicale de leur corporation. Là, on ne peut leur chercher pouille, les syndicales sont encore aux permises, elles ne sont pas à l'instar des groupes anarchos, considérées comme des associations de malfaiteurs. Et il poursuit, la syndicale, dans un autre texte, la syndicale n'est pas une couveuse électorale, parce qu'on l'a accusé aussi de dire, mais attends, tu vas te mettre là-dedans, alors que les syndicats roulent pour les socialistes, etc. Et il dit, la syndicale n'est pas une couveuse électorale, mais bien un groupement pour résister aux crapuleries patronales et préparer le terrain à la sociale. La politique, elle n'en faut pas, ok. Si tu en penses pour elle, va en faire aux chiottes. Voilà. Et il disait, rentrer au syndicat pour préparer le terrain à la sociale, tout faire converger vers un but unique, le chambardement général. Voilà. Pouget donc revient en France en 1895, suite à une amnistie par Félix Faure. Et là, son titre est toujours frappé d'interdiction. Alors il publie un autre journal, c'est pareil, c'est le même principe que le Père Pénard, je ne sais pas si tu en as ici Gilbert, c'est La Sociale. Voilà, avec là la différence, il mettait un dessin en couverture, après on le retrouve à la fin, hein, toujours pareil, Maximilianus de Pissarro. Voilà un exemplaire, voilà. Où justement il met en évidence le concept de sabotage, hein, ses retours de Londres, hein, à mauvaise paye, mauvais travail. Donc ce journal va vivre pendant un an, avec Louis Michel et Sébastien Faure ont organisé des conférences au profit de ce journal. Et suite à un des premiers articles sur la grève de Montceau-les-Mines, il est condamné. 95-96. Oui, c'est à cette époque-là. Ouais. Il est condamné pour diffamation envers un contremaître, et donc il est condamné à payer 500 francs d'amende, chose qu'il refuse de payer. Et il va en prison à Sainte-Pélagie, où, écrit le directeur, on venait un soir de chaque semaine prendre une copie de dernière heure. Un camarade à Pouget l'a ramassé dans la rue. Où on l'a jeté à l'heure convenue par le Vatistas. Voilà. Donc, il était quand même. Il continuait à rédiger le journal tout en étant en prison. En 1896, c'est une nouvelle voie qui va s'ouvrir pour les anarchistes, en tout cas les anarchistes qui décident de s'engager dans cette voie-là, la voie syndicale, celle du travail au sein des masses ouvrières. Pour lui, le syndicat est un lieu de résistance où doivent s'investir les libertaires. Donc il va contribuer à faire se succéder à la propagande par le fait, l'action directe. Une démarche qui n'attend rien des promesses, mais qui veut des actes. Sentant venir la fin prochaine de son journal La Sociale, il essaye avec Pelloutier de lancer un autre quotidien qui s'appellerait La Clameur. D'ailleurs, j'ai trouvé il a fait une tournée en France avec Pelloutier pour avoir du fric pour La Clameur. Il y a pas mal de rapports de police où on suit Pouget et Pelloutier. J'en ai un, là je suis informé que vous êtes l'original, vous l'avez vu passer, je suis informé que l'anarchiste Pouget, actuellement en Aveyron, où il organise des réunions en faveur du journal La Clameur, qui sera l'organe des idées communistes et anarchistes, a manifesté l'intention de quitter Saint-Étienne dimanche pour se rendre au Puy et à Decazeville, où il doit organiser des réunions dans le même but. Voilà. Donc, il n'arrive pas à financer ce journal La Clameur. Le journal La Sociale s'arrête, mais, fin d'interdiction du titre Le Père Pénard, il ressort donc Le Père Pénard en 1896. Et là, il va beaucoup insister sur la théorie du sabotage, de l'action directe. Il veut, celui qui le dit, je veux sortir du terrain des mots et rentrer dans celui de l'action. D'ailleurs, il faisait dire au Père Pénard, jusqu'ici les travailleurs se sont affirmés révolutionnaires, mais la plupart du temps ils sont restés sur le terrain théorique. Dans nos réunions, on lève toujours les séances au cri de vive la révolution sociale, mais ces clameurs s'envolent sans bruit. Donc pour lui, une seule solution, s'investir dans les syndicats, développer une stratégie de lutte, l'action directe, avec des moyens appropriés qui seraient le sabotage, un moyen d'action individuel, et le boycottage, un truc aussi dont il s'est inspiré en Angleterre, qui serait un moyen d'action collectif. C'est d'ailleurs au congrès de Toulouse, de la CGT naissante, que sa théorie du sabotage va être adoptée, hein, et la théorie du boycottage aussi. Alors pour une anecdote, tiens, quand ils arrivaient à la gare, les délégués syndicalistes, il était interdit de se promener avec un drapeau rouge, donc eux, ils prenaient leur drapeau français, ils les entouraient, et on ne voyait pas le bleu ni le blanc, mais on voyait que du rouge qui dépassait un petit peu, quoi, voilà. Donc il y avait la dépêche du midi qui s'offusque de voir arriver en gare de Matabiau tout un tas de gens avec des drapeaux rouges, chantant des chansons pas autorisées. Voilà, donc c'est en 1895, à Toulouse, que lors du 3e congrès de la CGT naissante, est adoptée la théorie du sabotage et du boycottage. Je ne vais pas vous lire le texte parce que vous devez connaître. Est-ce qu'il a eu des collaborateurs connus dans le père Pénard qui écrivaient, parce qu'elle dit comme Pissarro qui écrivait très bien, on aurait pu penser que je pense appel à d'autres personnes. Il y a des gens, je pense, qui devaient écrire pour lui, et notamment à un moment il reçoit tout un tas de courriers sur ce qui se passe dans les casernes, etc. quoi. Et c'est pratiquement pas transcrit en version Père Pénard. Voilà, donc il a... Et après, mais je sais pas... Ce sont toujours des noms bizarres, enfin, ce sont des noms codés, quoi. Par exemple, journal d'un trimardeur, c'est toujours signé par Jean du Pays, par exemple, voilà, quoi. C'est des choses comme ça. Mais je n'en connais pas... Il y a plein de choses encore à faire sur Pouget le Père Pénard. Je crois qu'il y aurait des livres à faire que sur ce journal, quoi. Voilà. Donc je voulais dire. Ça sent quand même l'œuvre de quasiment d'un de lui, homme. Et c'est peut-être pour ça que ça explique après que tu vas nous dire qu'il était fatigué au bout d'un moment. Et ouais, c'est la partie triste de l'histoire. C'est la partie triste de l'histoire, ouais, parce qu'il s'est fatigué un jour. Ouais. Donc Henri Musset, je vous en ai parlé, quoi. Donc c'était lui qui criait. Qui criait le colporteur mis à voix, là, vous savez, dont j'ai trouvé les traces ici au Syrah, qui après a fini au bagne. Voilà ce qu'il criait aux soldats qui passaient devant sa prison. Il leur disait: tu n'es pas beau sous ton costume d'assassin français, il doit y avoir des anarchistes dans ton régiment. Pourquoi n'enfoncez-vous point vos baïonnettes dans le ventre de vos chefs, de ces galonnards? Ils sont assez gras pour que leur corps fume les vignes. Voilà. Alors voilà ce qu'il écrivait Pouget sur l'arrestation, sur la condamnation de ce Musset dans le Père Pénard. Il écrit: la chanson chantée par Musset fut qualifiée de menée anarchiste, le carreau cassé de bris de clôture, l'égratignure du garde-chourme, coups et blessures. Ses futilités à un prisonnier ordinaire auraient valu une huitaine de jours de cachot. Il en fut autrement pour Musset. Il passa en police correctionnelle pour menée anarchiste, bris de clôture, coups et blessures, et fut condamné à un an et un jour de prison, puis à la relégation perpétuelle. Il mourra au bagne de Cayenne. À 33 ans. Voilà. Après, j'avais envie de vous faire un aparté sur l'affaire Dreyfus, parce que la première fois, quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré ce monsieur, là, à côté, et je lui ai dit, je vais faire des recherches sur Pouget, et puis, Pouget n'était pas antisémite. Ou un truc dans le genre, non. C'est parti de ceux qui n'ont pas suivi voilà. Bernard Lazare. Oui, tout à fait. Ou qui l'ont suivi très tard, ouais, oui, fort et complètement. Qui ont mis du temps. C'est vrai qu'en lisant certains textes, il y a le Youpin qui revient, et alors est-ce que Youpin, c'est vulgaire, c'est juste de l'argot, c'est tu as dû dire, je pense. Je vous donne un petit détail sur les trimardeurs, j'en ai connu un. Sur le trimard, si on ne voulait pas être arrêté, il fallait automatiquement sortir un billet de 5 francs pour faire voir aux gendarmes que vous n'étiez pas trimardeur. Alors les gars du trimard... Tu n'étais pas vagabond. Pas vagabond. Alors, ils sortaient leur billet de 5 francs, et les gendarmes, bon, ça va. Mais il fallait avoir 5 francs en permanence. C'était un trimardeur qui, lui, c'était pas pour raison politique, probablement, mais parce que le travail, c'était pas sa vocation. Alors, il était sur le trimard, que celui que j'ai connu. Bon, voilà ce que dit René Bianco dans sa thèse sur le Père Pénard, collaborateur, leurs articles ne sont pratiquement jamais signés. Mitugette, évidemment, l'éditeur principal du journal, et c'est lui qui devait écrire les informations. C'est Co, reçu de ce classement en province pour les harmoniser avec le style et le vocabulaire propre au journal. Mettront signé le nom de quelques-uns de ses correspondants vendeurs. Vendeurs, oui. Voir l'artiste Gerda de Lille, l'artiste Narcisse de Toulouse, etc. Par contre, bon, évidemment, les gérants, ils sont tous. Oui, la tapis, tout ça. Ainsi, donc, Lucien Veil, qui est le premier administrateur gérant du journal, signera de très nombreux articles sur le pseudonyme Henri Dehors, dans de nombreux journaux anarchistes. Il est sans doute de même avec les autres gérants successifs. Faubourg, Mayence, Berthos, Sicard, Dejoux, Duret, Garda, Delade. Le dictionnaire du Métron signale aussi la participation d'Émile Henry. Ouais, t'as pas le tirage là, mais c'est marqué dedans. Hein. Ah oui. Donc l'affaire Dreyfus, ça commence en septembre 1894, hein, sur fond de guerre larvée et d'esprit aigu entre Allemagne et France. Et le 15 septembre, donc, pardon non c'est bon. Le 15 septembre, donc, Dreyfus est incarcéré, accusé de trahison au service de l'Allemagne, etc. Mais condamné au bagne en janvier 95. En novembre 96, une campagne est lancée par Mathieu Dreyfus, le frère et Bernard Lazare, qui se... libertaire, hein, je peux dire. Hein, qui Bernard Lazare était libertaire, il est passé au Parti Socialiste et il est revenu chez les libertaires. Ah ouais. Et il se disait aussi, chose que j'ai beaucoup aimé, que j'apprécie, israélite et anti-juif. Qui Bernard Lazare. Il était dans le sens pour lui. C'était un juif qui était à l'écart de la société juive. Voilà, quand cette affaire de Dreyfus est arrivée, il a été un premier à dire non, il y a quelque chose, il y a un vice là, dans cette affaire-là. C'est pas ça qui est le problème. Il faut revoir un peu la chose. Ouais. Il a été un des premiers soutiens de. Tout à fait. Ouais. De Madame, enfin la femme de Dreyfus. Voilà, ouais, tout à fait. Il a publié son texte, d'ailleurs, en 1896, et quelque temps en fin 96, qui s'appelait « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus oui, ». Hein, avant le J'accuse de Zola et tout ça, mais bon, on en parlera beaucoup de lui, hein, de Lazare. Le J'accuse de Zola qui a été courageux, parce que financièrement, ça c'était pas une affaire pour lui de se prononcer dans la manière dont il se prononçait dans son J'accuse. Mmh. Il a été courageux. Oui, tout à fait. Il a dit, il y a des choses qui ne sont pas normales, elles ont été signalées, il faut tout revoir. Surtout qu'on n'a jamais su exactement comment il était mort. Oui, on a supposé qu'on avait touché son conduit de cheminée pour que les gaz carboniques. Mais Bernard Lazare, c'était un juif de la marge, parce qu'il y avait longtemps qu'il s'était écarté de sa communauté. Tout à fait. Hein. Ouais. Mais peut-être quand Dreyfus a été condamné, il s'est réveillé chez lui un sentiment de solidarité pour la communauté juive. Et donc beaucoup l'ont suivi, comme Fort, entre autres, mais pas Pouget au départ. Parce que Pouget, il voyait là-dedans une histoire entre bourgeois. En plus, c'était un militaire, donc il n'avait rien à foutre. Oui, les libertaires n'ont pas, au départ, n'étaient pas du tout intéressés par l'affaire. Ils disaient que c'est une affaire entre militaires et bourgeois. On s'en mêle pas, puis ils ont changé d'attitude après. Mais bon, il a mis longtemps à se solidariser avec ça. Voilà. Et il a collé une image d'antisémite à Pouget parce qu'il utilisait, mais comme d'autres socialistes et comme d'autres militants du monde ouvrier à cette époque-là, le mot de, comme tu dis, de youpin, de youtre, etc. Ouais. Mais qui avait une connotation de malheureusement, ça a créé plein d'amalgames dangereux par la suite, quoi, mais de bourgeois, de capitalistes, de Rothschild. Hein, un Rothschild. D'ailleurs, mais j'ai retrouvé, alors, ayant entendu ce que m'avait dit Gilbert, ça m'a titillé, j'ai essayé de trouver plein de textes où il pouvait essayer de je pouvais essayer de réhabiliter ce Pouget, parce qu'il me semblait qu'il est... Moi j'ai bien trouvé je trouvais sa démarche intéressante. À cette époque-là, où il y avait plein de compagnons qui étaient au bagne, où la presse ne levait pas le petit doigt, tout le tintouin qui s'est fait pour un officier, juif, pas juif, etc., qui a été accusé injustement ou pas, je me demande si j'aurais pas réagi comme Pouget au départ, quoi. Hein? C'est un peu ce qui s'est passé, oui. Voilà. Alors, après, on a vu une partie qu'on pouvait tirer de la situation. Voilà. Dans l'antimilitarisme. Voilà. Et c'est après Pouget a réagi, il a rejoint fort quand il a vu que l'extrême droite s'emparait de cette histoire-là et risquait de faire un fort score législatif, 15%, on lui donnait 15%, donc il s'est mis là-dedans. Mais il y a quelques extraits de textes qui me semblent intéressants. Voilà, en 1890, donc 6 ans avant l'affaire Dreyfus, voilà ce qu'écrivait Pouget sur les youtres. Il écrivait « Dans les temps anciens, un youtre était un pauvre bougre baptisé au sécateur, bouffant du pain sans levain, allant à la messe à la synagogue, faisant du samedi le dimanche, un type qui appelait Dieu Jéhovah et ne coupait dans aucune des couillonneries chrétiennes. Il y a du changement dans un foutre. Aujourd'hui, un youtre, ce n'est plus ça. De religion, de race, il n'en est plus question. Le youtre, c'est l'exploiteur, le mangeur de prolo. On peut être youtre tout en étant chrétien ou protestant. » Voilà, donc ça dépassait la notion de juif. Mais bon, ça a créé une espèce d'amalgame, ça, parce que... Le du Céline, ça. Oui. Ah, voilà. Alors, voilà. Donc après... Pouget écrit quelque temps après, « Il n'y a aucun motif pour que le populo parte en chasse contre les youpens à cause de leur race ou de leur religion. La saison des guerres de race est finie. Si le populo a certains juifs dans le nez, ce n'est pas parce qu'ils sont de race israélite. De ça, ils s'en tamponnent le coquillard. Il leur en veut simplement parce qu'ils sont capitalos. » À croire qu'il n'y avait pas de juifs pauvres. En se laissant embarquer dans Là, il est bien certain. Oui, tout à fait. Là, il est, par rapport au premier texte, voilà, il y a quand même une évolution. Tu vas voir. Ça devient plus clair. En se laissant embarquer dans le bateau de l'antisémitisme, le populo serait la dupe des petits bourgeois et des noblaillons. Si le populo tient à ne pas être roulé une fois de plus, qu'il ne fasse pas le jeu des jésuites en état antisémite, il ne faut crier ni à bas les Auvergnats, ni à bas les juifs. Il faut clamer à plein gosier, à bas les capitalos. C'est l'humour. Voilà, donc il rallie fort un petit peu parce que, il arrête même son père Pénard, hein, et puis il collabore au journal de Fort qui s'appelle La cause du peuple. Journal. Qui était quotidien à un moment. Voilà, uniquement. Voilà, que pour l'affaire Dreyfus. Je vais le retrouver. Le journal du peuple. Voilà, c'est ça. Hein? Voilà. Et donc, ça lui coûte un petit peu d'appeler à défendre ce gouvernement où siège entre autres Galifet, ministre des Armées, qui avait été un des massacreurs de la Commune. Hein. Mais il dit quand même, il y a une poussée de réaction qu'on croyait impossible, nom de Dieu. Des doufocs ont le culot de brailler, vive le roi. Il y a une quinzaine de jours, on nous a appris qu'un coup d'état militaire nous pendait au nez. La République est à l'hypocrisie de la liberté. La République est l'hypocrisie de la liberté. Mais foutre telle qu'elle, les bons bougres la préfèrent au cynique autoritarisme du sabre et du goupillon ou à l'idiot gouvernement d'un roi ou d'un empereur. Si nous sommes à l'œil, c'est que nous ne voulons pas qu'on nous culbute dans la mouscaille réactionnaire. Nous ne voulons pas perdre le chemin parcouru. Et c'est pourquoi les bons fieux de tout calibre, socialo et anarcho, ne barguignent pas. Ils défendent la République actuelle et ils la défendront mordicus malgré qu'elle ait été bougrement garce pour eux. Non pas qu'ils en pensent pour ses beaux yeux, mais parce qu'ils considèrent qu'il est indispensable de lui passer sur le ventre pour aller à la sociale. Donc pour la société anarchiste, il fallait passer par cette... Sinon après, revenir dans la société d'extrême droite, ça allait être un sacré recul. C'est ce qui a fait basculer Pouget. Hein? En fait, là, c'est semi-social. Pendant l'affaire de la fuite, il paraît que la croix, le journal des cathos, bien sûr, et la croix était particulièrement virulente dans l'antisémitisme. Ouais. Et qu'aujourd'hui, historiquement, c'est très intéressant. Moi, je ne peux plus lire, je ne le vois pas. Mais si je pouvais... J'essaierai de trouver des numéros parce que c'était une virulence dans l'antisémitisme qui n'avait rien de très chrétien. C'est pas ça. voilà, donc on va retrouver maintenant... ah oui, voilà, ce journal du peuple, il faut savoir, donc avec Faure, auquel collaborait entre autres Anatole France, Aristide Briand, qui était partisan de la grève générale, ouais. Puis après qui a fini ministre de l'Intérieur en avec Clemenceau. En 1900, mais pas en 1910. Non, ouais, voilà, ouais. Il y avait aussi Malato, Mirbeau, Pissarro, Paul Signac, Massimilien Luce. Philippe Auriol fait un résumé rapide du journal du peuple, là, qu'on passe au début. Donc, Émile Janvion qui traduit aussi le journal du peuple, et avec quelques autres, publiera un manifeste contre l'engagement philo-sémite et républicain de Faure et des siens. Victor Hugo et Roubineau se rapprocheront du journal Millionimètre, organe du comité central socialiste révolutionnaire, et de la jeunesse blanquiste, dont l'antisémitisme n'avait rien à envier à tout le monde. Julien Sacquet, Guy Laverne et Carrie s'appelleront les anarchistes et ne pas se tromper de nuit en combattant Jules Guérin, les frères Otto Mayence, collaborateurs de l'antijuif, qui s'enfermeront avec la sonneur antisémite dans son fort chabrol, publieront le révolutionnaire Feuillet Monde, de Rago et de Chantage tout entier dirigé contre les anarchistes et le Régisard. Forme à la tour Pouget, à ce moment-là, Dor, Lazare, Goldberg. Et la fin, ouais. Ce sont eux qui, avec les Rochefort et Drummond, parleront les premiers d'anarchistes du gouvernement. Ouais. Parmi les militants anarchistes et libertaires, ici nous avons eu Voline, il était juif d'origine, et il était surtout anard. Ses origines ne gênaient pas pour être anard, et il s'y référait jamais. Oui, il n'en faisait pas mention. Comment ? Il n'en faisait pas mention. Là, c'est très simple. Il suffit de dire, c'est pas ce qu'on est qui compte, c'est ce qu'on veut être. Ouais. Très bien. Ouais. Tout à fait, oui. Parce qu'on est prisonnier de sa naissance, quelquefois. Et ça s'arrête là. Toujours prisonnier de sa naissance. On est tous plus ou moins prisonniers de son enfance. À l'individu. Mais au monde, on n'a rien demandé. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, ouais, tout à fait. Ouais. Après, il y a des accommodements, puisqu'on est différent, mais n'empêche. Ouais, c'est vrai. Tu peux pour Voline, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait complet, parce que lorsque McNeill a été accusé par Kessel à travers son livre McNeill et sa juive, quand il sort sa licence, il a fait appel à Voline, bien qu'il était un peu à couteau tiré depuis la plateforme. Non, mais attends, je ne sais pas si je t'ai bien compris. Voline n'a jamais dit que McNeill avait été antisémite. Disant que là où la Magnorina était en place, il n'y a jamais eu d'attaque antisémite. Bon, on va revenir à notre copain Émile. Alors Émile, maintenant, c'est 1900, il a 40 ans, et au 5e congrès de la CGT, il est élu secrétaire adjoint. Et on lui donne comme mandat d'assurer la besogne pour qu'il y ait un journal de la CGT. Alors lui, il doit être heureux, puisqu'il a toujours rêvé de pouvoir écrire, donc il continue son rêve. Et ça sera La Voix du Peuple, un hebdomadaire qui paraîtra chaque dimanche jusqu'en 1914, 4 pages sur un grand format. Et il en sera, lui, Pouget, le rédacteur, jusqu'en 1908. Alors c'était quelqu'un qui avait une conception de l'agite propre, au sens marxiste-léniniste, j'en sais rien, mais enfin... De grandes campagnes comme ça d'action, il en a lancé sur le repos hebdomadaire, avec plusieurs numéros, avec des dossiers. Il utilisait aussi une méthode américaine qui était le même jour, dans 100 villes différentes, on fait des actions identiques pour que ça ait un retentissement. Et notamment, donc, il a fait des actions sur le repos, en faveur du repos hebdomadaire, le repos du dimanche, il n'y avait pas de repos à cette époque-là. L'appel des jeunes appelés, la propagande antimilitariste et la campagne des 8 heures, bien sûr. On est en 1902. Il travaille aussi au rapprochement de la CGT et des Bourses du Travail, qui à cette époque-là fonctionnaient de façon indépendante et qui après vont travailler ensemble, mais tout en étant... autonomes à chacune de leur côté. Hein, voilà. Donc ils travaillent à cette unité. Tout à fait. Comment ? Non, ça ne sera pas là bien, ouais, ouais. Mais parce qu'après, ouais, il y a eu des dérives de l'autre côté, quoi. Hein. On a une idée à l'époque de l'influence des libertins dans la CGT. À cette époque-là, elle était importante. Mais parce qu'il enfin, y a des. Quand on lit différentes choses, on dit que c'est pas si important que par des chercheurs actuels qui disent. Enfin, on a historiquement, et puis nous, dans notre culture anarchiste, on a l'impression qu'à l'époque, c'était vraiment les anarches qui la dominaient et tout ça. Et apparemment, ils n'auraient pas été guère plus nombreux que ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est vrai. Ah ben c'est bien alors. Mais je sais pas. Tu pensais quelque chose. Il n'y a que sur les votes lors des congrès CGT où il y avait des motions qui étaient assez anarcho-syndicalistes qui prenaient pas mal de voix. Hein. Je ne sais pas si c'est le nombre. Au bureau confédéral de la CGT au départ, il y avait pas mal d'anarches. Donc ils étaient au bureau confédéral, c'est-à-dire qu'ils coiffaient en partie la CGT. Je pense que ce que je veux dire aussi, Philippe, c'est numériquement la CGT, ça pesait. Oui, qu'est-ce qu'était la CGT aussi ? 100 000 adhérents. Ah oui, c'était pas grand-chose non plus. Ouais, voilà, c'était vraiment pas grand-chose non plus. Quoi, c'est vrai. Des chiffres. Ça n'a pas été la syndicale. Oh, attends, ouais, la CGT, en 1906, il y avait 200 000 syndiqués. Ah, c'était déjà beaucoup, alors. Et la SFIO, créée en 1905, 30 000 militants. C'était si le parti le plus important, si on considère que... Si on reprenait la terminologie de Pouget qui disait que la CGT était le parti du travail, le parti syndical. Voilà. Voilà, donc la CGT, il va beaucoup se bagarrer. Il est entouré de copains anarchistes, hein, effectivement. Pour la campagne des 8 heures... en essayant d'appeler justement une grande manif pour le 1er mai, au 1er mai 1906, une manif pour les 8 heures, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas 8 heures de travail. Et lors de cette manif, ils ont commencé à travailler avec son journal La Vie Ouvrière, à y travailler dès 1903, avec des dossiers, etc. Et ils ont prévenu déjà dans leur courrier, dans leur numéro, dans leur journal, que le 1er mai 1906, il y aurait une grande journée d'action. Pour Pouget, même si c'est en cachet, je pense, dans ses écrits, mais il m'a semblé comprendre qu'il aurait aimé que ça devienne une grève générale. Malheureusement, ça n'a pas été une grève générale ce jour-là, mais ça a foutu quand même un sacré bordel, quoi. Hein. Il y a eu, en 1906, 438 000 grévistes, un record qui ne sera plus battu jusqu'à la guerre de 14-18. La grève n'a pas été générale, mais beaucoup de monde ont suivi le mouvement, et beaucoup de grévistes ont repris le travail dès le 2 mai. Mais la mobilisation avait été très très très importante. Revenant sur les 8 heures, voici ce que dit Pouget. La plus dangereuse des illusions serait de limiter l'action syndicale à l'obtention de ces améliorations parcellaires, les 8 heures. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ce serait s'enliser dans un réformisme morbide. Pour si importantes qu'elles puissent être, ces conquêtes, elles sont insuffisantes. Elles ne sont que des expropriations partielles des privilèges de la bourgeoisie. Par conséquent, elles ne modifient pas les rapports du travail et du capital. Pour si superbes qu'on imagine ces améliorations, elles laissent le travailleur sous le régime du salariat. Il n'en continue pas moins à être sous la dépendance du maître. Or, c'est la libération complète qu'il faut à la classe ouvrière, c'est l'expropriation générale de la bourgeoisie. Donc, il écrit ça dans sa brochure Le Parti du Travail, en 1906. Alors, voilà, il a perdu complètement le style. Enfin, il l'a plus utilisé. Je pense s'il avait voulu, il aurait pu. Mais là, il était devenu. Il avait utilisé la langue de bois syndicale, on va dire. Même si celle-ci me plaît bien, quoi, parce que je trouve qu'il dit. Sur le fond. Alors, on en arrive en 1906, donc justement après cette action du mois de mai, c'est au mois d'octobre, il y a 100 ans pratiquement ces jours-ci, c'est la charte d'Amiens, c'est le 9e congrès de la CGT. Hein. Alors la charte d'Amiens, il y a un bouquin remarquable qui est sorti, vous l'avez lu, c'est Émile Pouget, le congrès syndicaliste d'Amiens, des nations CNT région parisienne, et il y a un qui est fait une analyse du congrès qui est remarquable. Voilà, donc moi j'ai pas été aussi loin que lui, je me suis un petit peu attaché à essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que cette charte d'Amiens, etc., comment est-ce qu'elle avait pu être écrite, etc. Et en fait, au congrès d'Amiens, il y a les socialistes qui étaient très forts dans la Fédération du Nord qui ont essayé de, qui ont essayé de faire en sorte qu'ils puissent obtenir que la CGT soutienne les socialistes en vue effectivement d'une présentation des élections futures. Et là, Chouéka a dit que l'autre composante de la CGT, qui était des anarchistes mais aussi des réformistes, ont souhaité que le débat soit posé une bonne fois pour toutes, parce que ce débat durait depuis quelque temps. Donc, ils se sont mis d'accord sur un texte qui a été approuvé à 830 voix pour, 8 contre et une abstention, ce qui s'appelle une écrasante majorité. Un texte qui dit que le syndicat, la CGT, prépare les massifs. Alors, je vous passe le détail, mais pour moi, c'est l'important, je le redis souvent dans mon syndicat. La CGT prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Moyen d'action, la grève générale. Et pour l'avenir, et il considère que le syndicat d'aujourd'hui, qui est un groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupement de production et de répartition base de réorganisation sociale. Voilà. Oui, oui. Voilà. Mais pour déjà ceux qui... Libertad, d'ailleurs, discutait ça. C'est important. Déjà le... Libertad. Ah oui, oui. En 1908. Ah ouais, il y avait... Comparé, il y avait débat. Il y avait débat, oui. Il y avait débat, quoi. Ce qui est fort, c'est quand même que ce texte de la charte d'Amiens, enfin, qu'on appelait charte quelque temps après, mais qui était un texte voté à ce congrès, soit encore pas reconnu, mais on en parle à la CGT, on fait référence à la charte d'Amiens, à la CFDT aussi, tout ça. Et quand vous vous rappelez aux gens qui a marqué ça, FO peut-être, oui. Comment ? Ils y font référence. Voilà, c'est la théorie de la double besogne. Pouget appelait ça la théorie de la double besogne. Préparer l'émancipation intégrale et puis après travailler à... Non, exproprier d'abord le capital et puis après travailler à la société future. Hein? Voilà. Et d'ailleurs, dans ce congrès, il y avait aussi un truc que j'ai relevé, c'était le mode d'emploi pour arriver à la révolution. En quatre, d'abord, on fait une grève générale par corporation qu'on assimile aux manœuvres par garnison. Deuxièmement, on cesse le travail partout à date fixe, ça serait nos grandes manœuvres. Troisièmement, arrêt général et complet mettant le prolétariat en guerre ouverte avec la société capitaliste. Et quatrièmement, grève générale et révolution. C'est pas compliqué ? Voilà. Entre parenthèses, vous êtes plus jeune que moi, que avoir les mémoires plus fraîches. Est-ce qu'on a assisté en dehors de 1936 à une grève générale en France? En 68. Hein? En 68. Non. En 1936, il y a eu une grève générale parce qu'il y a eu une illusion. Étant donné que le Front Populaire était majoritaire, des gens se sont mis en grève et ils ont occupé les usines. Il y avait une grève générale, tout était paralysé. Toute l'industrie, tous les transports, il n'y avait plus de pétrole, il n'y avait plus de tabac dans les bureaux de tabac. Et après, oui, je m'en souviens pas. Ouais. Mais il n'y a peut-être pas dans la lingerie, je ne sais pas. Mais... Ah ben moi j'étais à mon compte. Alors. J'étais fatalement un jaune. Puisque j'étais payé à la commission. Alors quand les autres savaient. Vous n'avez plus des sas pour rouler. Hein? Vous n'avez plus des sas. Ah ben il y avait moyen de se débrouiller. Ouais. J'ai jamais eu autant de gargarisme à l'essence, moi. J'avais trouvé le moyen d'acheter 200 litres d'un coup dans un tonneau et souvenir de 68, là c'est les barricades. Acheter quelque chose de salé. Je vous garantis que c'est agréable et que le goût de l'essence ne vous passe pas dans les 10 minutes. Aïe aïe. Non, grève générale, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les manifs en 95, en 2003, mais ça reste plus un cri qu'une volonté réelle, quoi. Hein. Une volonté réelle. Moi, je me rappelle en mai 2003 où je me suis trouvé à Paris en tant que syndicaliste dans les rues où tout le monde criait grève générale. Je me rappelle une traversée sur la Seine avec un pont et on voyait plein de gens. De l'autre côté, il y avait aussi plein de gens. Et je me trompe de train pour revenir à l'Aveyron et je tombe dans un train de la CGT où je retrouve des gens qui avaient des trucs grève générale, qui criaient grève générale. Et puis, je les entends parler de la reprise du travail. Et je leur dis, mais qu'est-ce que je comprends pas, là. Ils me disent, oui, mais Thibault a appelé à un autre moment fort dans 15 jours. Alors, je leur dis, mais ça sert à rien de crier grève générale dans la rue et d'aller après, un quart d'heure après, de parler de reprise du travail. C'est ce qui s'est passé à Marseille. Tous les groupes syndicaux étaient venus à Marseille, ont enterré le mouvement. Ouais, il y avait 200 000 personnes dans la rue. Ils ont appelé la grève générale et le lendemain, tout le monde et derrière, ils renégociaient la reprise du travail. Ou ils faisaient rien pour que les gens n'en prennent pas de travail parce que ça allait trop loin. Quoi. Et qu'ils ne savaient pas où ils allaient. C'était bien moi. Oui. En 2003, ils sont venus là, en Marseille. Oui, 2003 au stade. Il a appelé au lancement d'une grande pétition. Oui. C'est pas qu'il a fait. Moi qui vous payez un petit bout, il a annoncé sa pétition sur les rapports. Non, alors c'est le mec de l'EFO qui a fait la grande pétition. C'est plus facile de signer la pétition. C'est Blondel. Ah ouais, tout à fait. C'est l'EFO qui a appelé à la grande pétition. Oui, tout à fait, ouais, avec Blondel. C'est pas tout ça. Mais ouais. Mais il nous manque des syndicats comme cette CGT d'avant 1914, quoi. Il y en a des syndicats qui appellent à la grève générale, mais disons qu'ils n'ont pas l'importance de la CGT. Je sais bien, ouais, tout à fait. Je sais. Ou de la même de la CGT actuelle, donc c'est sûr. C'était le seul syndicat, ouais, à l'époque, la CGT, d'avant 14. Donc c'est vrai que. Mais il y a des militants de la CNT, oui. Dany aussi, de la CNT, je sais pas. Non. Sur un plan plus général, on peut se poser la question de comparer ce que les salariés sont prêts à faire aujourd'hui. Il y a par exemple le problème du FMI. Il y a un siècle, on protestait contre le FMI. Parce que le FMI du côté des salariés, du côté des travailleurs. Maintenant, les gens ont pris les libertaires qui ont des crimes. Ils sont donc écoutés. Oui. Vous osez parler de confrontés aux idées que nous défendons et aux espoirs que nous avons. À cette époque-là aussi. Il y avait déjà des crédits en 68. Oui. Pourtant, ça a démarré. Oui, je l'avais avant. Moi, j'ai commencé avec cette à travailler sur Pouget, j'avais cette idée-là, cette idée aussi, mais après, je me suis rendu compte que dans les années, à la fin du 19e siècle, quelqu'un qui faisait grève, tu faisais grève, hein, mais tu c'était fini, quoi. Enfin, tu perdais ton boulot. Ouais, mais c'était même pire que l'histoire du crédit, quoi, t'imagines. Et les gens le faisaient. Et les gens le faisaient. Est-ce qu'on pourrait imaginer une grève du crédit? Ah ouais, il fallait que ce soit. Peut-être que ça aurait du succès, vous dire, ne payez pas votre traite, on vous gagne. Le gros problème avec les syndicats, c'est qu'on confond deux termes qui s'opposent absolument, c'est-à-dire syndiqué et militant. Oui, tout à fait. Alors, à partir de là, la discussion devient très difficile. Parce que s'il y avait autant de militants que ce qu'il y a de syndiqués, ce serait beaucoup plus facile à la discussion, quelle qu'elle soit. Oui, tout à fait. Maintenant, un syndicat, c'est une assurance. C'est ça, ouais. C'est une assurance, ouais. Une prévention sur... Les syndiqués en carte, hein. Toute organisation syndicale. Je vais finir avec Pouget, comme ça, après, ça fait 2 heures. Ouais. Moment. Et voilà, on va le faire mourir, là. Alors, attends. On va le faire mourir. On va le faire mourir. J'accélère. On est en 1907. Il y a une grosse campagne d'agitation, toujours en France. Je vous rappelle que c'est à cette époque-là qu'il y avait les manifs de vignerons, les grèves de vignerons, dans le sud. Gloire du 7e. Voilà, gloire du 7e, Narbonne et tout ça. Salut à vous, bravos soldats du 17e. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Voilà, et le 10 juin à Paris, dans la banlieue sud de Paris, c'est la grève des carriers de Draveil, pas loin de Villeneuve-Saint-Georges, où il y a une manif et apparemment des provocateurs. Il y aura un gréviste tué et 6 autres blessés. Et la Clémenceau, qui est au pouvoir à cette époque-là, fait porter la responsabilité sur la CGT. Je fais des conneries. C'est la CGT qui fait porter la responsabilité de ce massacre à Clémenceau et proclame donc une journée de grève générale pour le 30 juillet. Hein ? Et demande aux Parisiennes de se rendre à Villeneuve pour manifester le soutien aux grévistes et rendre hommage aux victimes. Et là, il continue quand même à écrire des articles pour la Voix du Peuple. Quand il sort de prison, il n'est plus rédacteur de par choix, il ne se représente plus comme au poste de rédacteur en chef de La Voix du Peuple. Et il prend ses distances à partir de 1908 avec la CGT. Il rêve toujours d'un journal, alors on rêve c'est un journal, mais c'était un quotidien anarchiste. Il le lance, ça s'appelle La Révolution, mais il n'y aura que 50 numéros, et ça sera sa dernière expérience de journaliste. Après arrive la guerre, Pouget, alors avant la guerre, il a quand même continué à publier, j'ai pu même procurer des originaux, qui coûtent très cher, des petits documents, des petits textes qui étaient imprimés par la librairie de la CGT, là. Voilà, pour vous envoyer. Donc, je les retrouverai tout à l'heure. Ils sont par là. Il écrit quelques bouquins, le Parti du Travail notamment, entre autres, et un roman, Comment nous ferons la révolution, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Voilà, ça a été réédité par Syllabs. Voilà, c'est fabuleux aussi, c'est bien. C'est toujours dans le style, là on le retrouve le style Perpénard. Il écrit avec Pato qui était, quand il était ouvrier responsable d'une nuit là à Paris, ils sont mis en grève, ils ont fait Ville Noire. Mais après il a viré extrême droite, Pato, hein, et anti-juif, etc. Et dans ce livre, donc, il raconte la révolution, enfin, l'accès à la société anarchiste. C'est irréel parce que ça démarre d'une grève, puis après ça devient une grève générale. La CGT, au niveau central, est le coordonnateur. On demande aux gens qui ne sont pas d'accord de rester, enfin, qui veulent rester dans cette société anarchiste, de partir à l'extérieur. S'ils ne veulent pas, eh bien, on les rassemble, puis on leur demande, avec des moyens un peu violents, mais violents à demi, puisque ce sont des espèces de canons qui les menacent, on menace de leur tirer dessus, mais on détruit le matériel, les armes, mais pas les hommes. C'est une espèce d'arme qui est... Voilà, c'est non violent. Ça menace, mais c'est non violent. Ouais, respect, voilà. Et après, tout se met en place, etc. On s'entraide entre les campagnes et les villes, et puis après, le fédéralisme se met en place. Tout est beau, il n'y a pas de problème, pas d'opposition, rien, les États voisins ne bougent pas, c'est fabuleux. Voilà. Et après, en 14-18, alors j'ai lu En 14 déjà, ouais. Mais pendant cette époque-là, j'ai lu des textes disant que Pouget avait écrit des feuilletons patriotiques dans l'Humanité. Je me suis adressé aux archives d'Humanité du PC pour avoir accès à ces pages, je ne les ai pas eues. On m'a dit qu'à ce moment, je ne pouvais pas les avoir, même pas les microfilms, parce que c'était en train de se réparer, etc. Ça me porte peine. J'ai juste trouvé dans le courrier de la famille, il y avait le neveu qui écrivait à son tonton en lui disant « Alors, j'espère que dans ton prochain texte, tu mettras des espèces de, comment les appeler, ces espèces de gros avions, là. » Les Zeppelins. Les Zeppelins, donc ça laisserait à penser qu'il écrivait effectivement quelque chose. Mais après, il y a une superbe critique de ce bouquin qui est passé dans la revue Contre-temps, là. Et il est marqué, par exemple, qu'il déplore à juste titre, parce que j'ai pas pu trouver, que ce bouquin ne parle pas du Pouget qui s'est rapproché du déliquescent Gustave Hervé. qui a commis quelques mots, Pouget aurait commis quelques mauvais romans feuilletons dans l'humanité de Jaurès, puis de Renaudel, et ce qui se serait pris d'une vieille, d'une assez étrange passion patriotique pour la vieille Alsace. Quand il met du conditionnel, c'est par rapport à ton bouquin ou il reprend des termes de ton bouquin, c'est eux qui disent qu'ils regrettent que justement. Oui, non, mais il met au conditionnel, c'est. Non, c'est moi qui le mets, parce que lui, mais celui qui se rapprocha du délit qui s'est enregistré, comique, non, c'est le nom présent. Et après, il cite un texte de la Voix du Peuple qui dit, donc le journal dont Pouget était rédacteur en chef, mais après il n'y était plus. Qui écrivait « Émile Pouget, peut-on y lire, est déjà dit un père peinard épatant qui épatait ses lecteurs. Aujourd'hui, il hospitalise son tire-pied dans la guerre sociale, c'est un journal, devenu un vague organe radical. Contre cela, rien à dire, tout le monde vieillit. » Voilà, donc une fin, voilà, après cette époque tonitruante du père peinard, tout son travail qu'il a fait à la CGT, il avait 50 ans quand il s'est consacré à sa vie de famille. Et il s'est retiré en Lozère, au village de Lozère, dans le sud de Paris. Le dernier rapport de police qu'on a trouvé sur lui date de 1913. Il y avait marqué Émile Pouget, instruction soignée, habile, retors même, à la monomanie du journalisme, aurait, on croit, fait une feuille au bagne si on l'y avait envoyé. N'est pas doué sous le rapport de la parole, mais possède en revanche une grande fécondité une fois au travail, pencha du côté de la conquête des syndicats par les libertaires et a des tendances de mettre de l'eau dans son vin, mais n'en reste pas moins persuadé que tous les moyens sont bons, explosion, cambriolage, etc., pour combattre et dépouiller l'adversaire. Voilà, puis à la fin, il a demandé à ne plus voir personne de la CGT, etc., et s'est retiré dans son petit jardin. Et quelqu'un a pu être reçu par lui, voilà ce qu'il écrit. Il nous reçoit en tenue de jardinier, un béret de gros drap sur l'oreille. En haut du perron de bois, Madame Pouget nous accueille très gracieusement, je pourrais écrire affectueusement. Nous sommes bientôt installés sur ce perron autour d'une table de jardin. Le père Pénard s'est assis, lui aussi sur la première marche de l'escalier. Puis c'est la visite au grenier, là où Pouget garde ses vieux documents. Quelques instants après, le père Pénard me tend une petite brochure qui date de 1880. C'est l'exposé des revendications défendues alors par le syndicat des employés de commerce parisien. Et Pouget dit « Presque tout ce que nous réclamions à l'époque est aujourd'hui conquis et réalisé. » Il meurt le 21 juillet à 14h, à 71 ans. Voilà. Il n'a plus de tombe, il a été éparpillé ailleurs. Voilà, alors après il y a eu un florilège d'articles, il y a des journaux qui ont un petit peu parlé de lui, très peu quand même. Hein. On disait, Paul de La Salle écrit dans le Cri du Peuple que c'était un admirable lutteur, que la classe ouvrière pour qui il a donné plus que le meilleur de lui-même semble aujourd'hui avoir pas trop oublié. Après, il y avait Pierrot, j'ai retrouvé ça ici, avec Gilbert, qui publiait son journal plus loin. Il lui consacre la une de son numéro. Il dit que Pouget, sans s'être jamais mis en avant, eut entre tous une très grande influence sur l'orientation du mouvement anarchiste, mais ne le savent que ceux qui l'ont connu personnellement, que ceux qui ont connu son intelligence et sa très grande valeur. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que suite aux actions du 1er mai 1906, il n'y a pas eu la journée de 8 heures, ça a été voté après-guerre. Par contre, en juillet 1906, il y a eu le repos hebdomadaire. Donc on le doit aux militants anarcho-syndicalistes de cette époque-là. Quoi. Voilà. Après, j'ai des... Ouais. Le dimanche, voilà. Il y a ça aussi qui est sorti, des textes du père Pénard qui sont sortis... aux Nuits Rouges, des textes que je ne connaissais pas, qui ne sont pas forcément très très politiques, enfin, mais qui sont intéressants, voilà. Ça, que je recommande, là, qui est Émile Pouget de la CNT, là. Ça, mais qui n'est plus réédité. Voilà. 32 ans, 32 voilà. Et le choix est beaucoup plus judicieux, me semble, dans ce bouquin que dans celui-là, des textes. Et après, le sabotage, qu'est-ce que je vous ai amené après des rapports de police, des photos, je vous laisse regarder, c'est... Voilà une couverture du père Pénard, une couverture du père Pénard, c'était petit format, de l'almanach du père Pénard, hein, du père Pénard. Petit format, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore, des affiches, un fascicule où il vendait ses chansons, hein, voilà. des affiches, le père Pénard au Populo, des rapports de flics, des... voilà. Et ceci, c'est une huile de Maximilien. La légende est de... Il est marqué que c'est le docteur Perrault, hein, mon ami Perrault. Mais elle est l'original, elle est chez Jean Pouget. Et la femme de Jean Pouget, je ne devais pas le dire peut-être. La femme d'Émile Pouget qui a vécu avec Jean Pouget, qui est toujours en vie, lui disait... Non, Maximilien Luce l'a représenté, Émile Pouget, voilà, dans sa chambre. Non, la légende, c'est mon ami Perrault. Voilà, le docteur Perrault, qui était un nanar aussi, qui rédigeait... Perrault, voilà, qui rédigeait plus loin. Voilà, et après la fin de sa vie, pour gagner du fric, il a fait un annuaire des arts modernes, de l'art décoratif moderne. Et il faisait de la pub pour les expositions d'artistes, là, hein, avec ses copains. Voici ici une photocopie d'un journal syndical allemand. Je ne comprends pas l'allemand, hein, mais... Père Pénard, voilà. Voilà tout ce que j'avais... Moi, ce que je voulais dire, c'est... Bouquin, je l'ai lu, je le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas lu, parce que sérieusement, bon, tu n'es pas historien, pour quelqu'un qui n'est pas historien, c'est un livre qui est agréable à lire, on voit que tu t'es passionné pour le sujet, bon, et puis pour ce qu'il y avait, on n'a pas de biographie de Pouget depuis 32 ans, puis celle qui était parue par Goustine, donc ça va permettre de le faire connaître, tu as bien insisté sur ce qui se passe dans l'Aveyron, puisque c'est la région, ça c'est une facette que le Pouget n'en connaissait pas. Bon, le bouquin, il y a pas mal d'illustrations, il y a des textes bien choisis à la fin. Donc, seul écueil, les éditions libertaires, il leur faut absolument un correcteur, parce qu'il reste pas mal de coquilles. Hein. Notamment dans les titres. Alors, j'aurais aimé qu'il y ait mes copains Franck et Jean-Marc avec moi, parce que c'est vrai que... Il a été énormément corrigé. Et quand ils m'ont envoyé les épreuves, tu sais... Donc j'ai bien mis avec du surligneur et en rouge ce qu'il fallait changer, la numérotation des pages, et puis j'ai tout envoyé. Puis j'ai envoyé un mail à Jean-Marc en lui disant, voilà, tu dois reprendre tout ça. Et quand il me l'amène, ça n'a pas été fait. Il y a des renvois qui ne correspondent même pas aux bonnes pages. Il y a des erreurs d'accord, mais c'est incroyable. Dans la dernière page, il y a des... Bon, c'est un détail, mais présenter les titres de journaux, quoi, une fois une majuscule, ça c'est des règles de typo que... Quand les codes ça, c'est pas bon, ça chaud. Pour la lecture, ça va, on y arrive, mais c'est... C'est quand même pas les correcteurs. Voilà. Il manque un correcteur dans le milieu libertaire. T'as les boules, hein, comme ça, surtout si tu l'as signalé. Ah ouais, moi je l'ai reçu, j'ai été le chercher un soir. Je l'ai regardé, je l'ai reposé, il m'a fallu une semaine avant de m'y remettre dedans, parce que... J'imagine. C'est pas possible. Les full-timers ou les correcteurs... Licenciés, c'est... Mais t'en fais pas, il y en a encore beaucoup, t'inquiète pas, mais il y en a pas, c'est libertaires. À l'époque, il avait presque le monopole de la profession de correcteur. Jetez-vous sur les exemplaires, ça vaut le coup. La lecture vaut le coup. Hein. Les quatre dernières productions d'édition libertaire sont sur la table. Donc, le prochain, ça, qui sera présenté le 4 novembre, celui de Céline Baudet, Les Milieux Libres. Alors, même époque, mais pas du tout la même approche. Il y a des anarchistes et des syndicalistes. C'est en vente des ouvriers. Oui, bien sûr. Tu veux savoir combien c'est 15 euros. En tout cas, moi, je voulais juste te dire pour finir. Voilà. Juste dire pour finir que que dans le cadre de mes recherches, je suis allé donc à Paris, à Toulouse, à Rodez, etc., dans la famille et tout ça. Et j'ai passé ne serait-ce qu'un jour ici avec Gilbert et Francis. J'en garde un souvenir très fort d'un plat de nouilles mangé ici même avec Francis. Et on a travaillé par mail avant. Quand je suis arrivé, il y avait plein de trucs préparés. J'ai pu travailler du photocopieur. Et chaque fois partout où je passe, même dans des trucs qui ne sont pas forcément dans les réseaux libertaires, je parle du CIRA parce que c'est une mine. C'est vrai que des fois il faut essayer de travailler de mineur pour trouver. Alors qui c'est l'objet? Bon, je prendrai un exemplaire, mais je veux une dédicace, c'est pas pour moi. Mais je veux une dédicace parce que comme je ne peux plus lire, je ne veux pas l'acheter pour la mettre sur un rayon et puis jamais le lire. Alors je veux en faire cadeau à un ami. D'accord. Et alors, si on veut bien faire la dédicace. À mon ami Michel, ouais. Qui pourra ainsi conforter ses tendances libertaires. Il en a des portes, on voit qui est. Tu sais que j'ai retrouvé des articles de lui dans l'espoir des années. Oui, non, mais je fais exprès d'avoir l'air de douter sur ses connaissances. Il a l'habitude de ma manière de lui manifester son estime. Plus j'ai de l'estime que de quelqu'un, plus je me moque de lui. Merci d'être venu. Merci à vous pour l'accueil et tout ça. Merci à vous. On peut continuer à discuter avant d'aller manger. Dans la petite collection Parole, il y a les deux derniers qui viennent de sortir. Je peux les indiquer à ça. Michel. Le maître du monde. À mon ami Michel. Ouais. Pour conforter tes tendances libertaires. Il est tout aussi énervé que moi, mais j'aime bien avoir l'air de lui faire. J'ai pas en tête, mais c'est marqué dedans. Et sa proportion par rapport à la population active. Ça, c'est pour le texte de Jean-Marc Noël. Bon, je vais trouver 5 euros. Ce qui est intéressant, c'est que certaines phrases. Voilà les 5 euros. Je mériterais d'être échangé. Parce que par exemple, dans Voyage au bout de la vie, le colonel est mort. C'est pas les colonels qui manquent. Oui, on peut voir dans Mandiac, dans les poèmes de Pan, par exemple, on dit. Il faut bien que je traverse la barre des condamnés. Il faut que mon odeur tremble, les élèves qui fassent au ciel, au juger, c'est un bon ensemble. C'est joli comme parole. C'est magnifique. C'est amusant parce que moi je suis un bon lecteur, mais assez critique. C'est excellent. Jean-Charbonnier, c'est ce qu'il y a de plus.